pour nous faire vivre l'événement en direct. Le best-of d'Allo Première dans 3 minutes. Et hier, il était question de l'environnement. Hein. Quelle réunion pour les générations futures pour Mazine. Nous, demain, ce sera juste après Michelle Williams sur la première SCIS. Belle matinée à toutes et à tous. C'est fort comme ça m'arrête de chanter. Michelle Williams ce matin, Kelly Rowland sur la première. Et CIS dans un peu plus de deux minutes, le journal de la rédaction de Réunion Première. Alors si on s'intéresse au développement économique de la Réunion, le respect de la nature, l'avenir de nos espaces naturels, ça s'est passé hier. Et la protection de l'environnement, selon moi, peut créer énormément d'emplois. Que si on nous envoie du polystyrène, si on nous envoie du papier à bulles sur l'île de la Réunion, on ne sait pas le revaloriser. Il faut aussi réfléchir avant même que le produit rentre sur le territoire. On gaspille vraiment trop notre environnement, quoi. Des fois, je suis pessimiste, je dis c'est déjà foutu. Allô Première. Allô Première présenté par Claude Montané. Bonjour Claude. Jacquet, bonjour à tous. L'accident vasculaire cérébral, aujourd'hui on en parle. Un seul mot lorsqu'il s'agit d'un AVC, urgence, Jacquet Revel. Un numéro à retenir, le 15, rendez-vous après le journal pour en parler. Et nos invités ne manqueront pas de nous éclairer sur l'accident vasculaire cérébral. 02 62 99 2000 pour participer à l'émission. Des nouvelles du trafic avec Yves Gruyé qui nous attend. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et vous êtes à la Jamaïque, Yves. Bah, ils avaient sans doute évoqué cette fumée tout à l'heure d'appartement. Donc je ne sais pas si c'était donc vraiment en feu ou si c'était une grosse fumée. En tout cas, il y avait des ralentissements à sortie de la route du littoral. Il y a eu quelques coups de frein, donc là ça a l'air de rouler, peut-être moins de visibilité. Il y avait un effet curiosité, donc les gens apercevaient ça surtout dans le sens nord-sud, donc au niveau des lataniers, donc alors les pompiers ont dû intervenir ou ça s'est éteint, bref, en tout cas ça roule mieux semble-t-il. À ce niveau, l'entrée ouest surtout va mieux puisque c'est sous le tunnel du Cap Bernard que démarre les ralentissements, le pont Vincennes également chargé de moitié. Par contre, on n'a pas de nouvelles de ce véhicule qui était annoncé en panne tout à l'heure juste avant le giratoire doré. Toute la tranchée couverte côté montagne reste très encombrée en provenance de l'est, donc sous un temps très très maussade. parler de temps de Roland-Garros parce que c'est le temps qu'il fait en ce moment sur Paris. Et bien donc là, la circulation est bien ralentie, chaussée mouillée, il pleut quasiment jusqu'ici aux portes donc de Saint-Louis, porte du Front de Mer. Quelques petites zones roulantes, mais c'est quand même encore très encombré depuis la ligne droite de Sainte-Suzanne en arrivant depuis Bel Air, donc quasiment. Côté ouest, pas de changement pour vous, malheureusement, c'est toujours avant la tranche, avant le tunnel du Cap Laoussé pour les bouchons, rampe de plateau Caillou, descente également donc en la partie basse, un grand fond boucan très encombré, la chaussée royale également, une partie du front de mer, attention aujourd'hui c'est jour de marché à Saint-Paul, et puis dans le sud également quelques difficultés pour descendre du tampon à hauteur de Mont-Caprice, parce que c'était lié à ce véhicule qui est dans le fossé, peut-être que c'est visible, en tout cas il y a quelques ralentissements qui se font dans le sens tampon Saint-Pierre en ce moment, avant la préparation du sacrifice. On attend beaucoup de monde forcément ce soir du côté de Ravine Blanche, à tout à l'heure. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. L'AVC est au cœur de votre Allo Première de ce vendredi 3 juin. Le neurologue Gilles Bordet répond à toutes vos questions au 02 62 99 2000. Et nous attendons également vos témoignages sur la première. Il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Claude, bonjour à tous. Il n'en reste pas là. Nassima Dindar, Jean-Jacques Blaudier et Bachil Vali font appel, condamnés hier dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. Les élus, qui écopent notamment de peines d'inéligibilité, demandent un nouveau procès dans ce journal. Nous entendrons également la réaction de Paul Junot, le président de la CFTC. Réunion à l'origine de la plainte dans cette affaire de discrimination à l'embauche sur fond politique. Pensez la ville de demain pour densifier les logements, mais qu'ils soient agréables à vivre. Les pistes de travail sont regroupées dans un livre blanc de la ville durable, ouvrage présenté hier. Plus de forces de l'ordre à Mayotte, 102 policiers, 42 gendarmes et une unité du GIGN, annonce faite hier par Georges Paul-Langevin. Et puis le Sakifo 2016, parmi les têtes d'affiche ce soir, les casseurs flotteurs et un certain Aurel San, porte-parole d'une génération. Nous l'entendrons à la fin de cette édition. Réunion première, Cécile Thomas. L'affaire du foyer de Terre Rouge n'est pas terminée. Nassima Dindar, Bachil Vali et Jean-Jacques Vlody ont décidé de faire appel du jugement rendu hier par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Les trois élus ont été reconnus coupables d'avoir favorisé l'embauche de partisans politiques. La présidente du conseil départemental écope de la peine la plus lourde, au-delà de ce qui avait été requis, avec 3 ans d'inéligibilité, 30 000 euros d'amende et 8 mois de prison avec sursis. Bachil Vali a écopé lui d'un an d'inéligibilité et de 10 000 euros d'amende et le député Jean-Jacques Vlody de 18 mois d'inéligibilité et de 30 000 euros d'amende. Le député du tampon, seul élu à s'être déplacé hier matin, il a du mal à accepter cette décision. On a voulu, dit-il, faire un procès politique. On l'écoute. Ce rendu du tribunal est sans commune mesure avec la réalité des faits. Il n'y a pas dans ce dossier de corruption, de malversation. Il y a très clairement une volonté d'atteindre des politiques. Et je le dis tel que je le pense et tel que le jugement est rendu aujourd'hui. On me demande tout clairement de me retirer de la scène politique avec 18 mois d'inéligibilité, c'est-à-dire en clair, j'ai commis une peine qui serait de nature à m'interdire d'exercer une fonction élective. C'est-à-dire qu'on me dit aujourd'hui que transmettre des candidatures, écouter des gens, que de répondre et d'essayer de répondre à des problématiques d'emploi, c'est condamnable et cela m'interdit d'assumer une responsabilité élective. Jean-Jacques Vlody répondait à Suzette Emma et dans cette affaire, il y avait aussi 2 autres prévenus. Michel Soukramanien, membre du cabinet de Nassima Dindar, il était condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et Yvon Bello, ancien conseiller général, qui lui a été relaxé. Paul Junot, le président de la CFTC Réunion, était l'invité de la matinale. La CFTC était à l'origine de la plainte contre les élus dans cette affaire. Paul Junot a salué les jugements prononcés hier. Il souhaite que cela ouvre une nouvelle voie. C'est une bonne nouvelle pour la Réunion. C'est la fin d'un système, une page qui tourne, l'embauche politique, la discrimination politique. C'est une très bonne nouvelle pour la Réunion. Et on pense que ce jour nouveau qui se lève verra une classe politique nouvelle à condition que celle-ci, après tous les recours, soit réellement balayée. Vous y croyez vraiment? Parce que Claude Warraud, lui aussi, en son temps, a été condamné pour la même chose à peu près. Ça n'a rien changé? Les mentalités sont difficiles à changer, mais il faut y croire toujours. Il faut croire, il faut persévérer, mais aussi que tous ceux qui sont concernés n'hésitent pas à porter plainte, tous ceux qui sont concernés n'hésitent pas à faire la démarche malgré les intimidations, les pressions, les menaces qui peuvent s'exercer sur eux-mêmes et sur la famille, et que les syndicats aussi osent et ne restent plus dans cette tendance un peu hésitante vis-à-vis du pouvoir politique. Paul Junot, le président de la CFTC Réunion, répondait à Philippe Dornier sur Réunion Première ce matin. Autre procès médiatique, hier, le gourou présumé de Saint-Louis, Papa Sané, a écopé de 16 mois de prison, dont 8 avec sursis. À sa sortie de détention, il tombera sous le coup d'une interdiction de séjour à La Réunion pendant 3 ans. Sa femme, Farida Hassani, écope, elle, de 6 mois de prison avec sursis. Ils ont été reconnus coupables, respectivement, d'abus de faiblesse et de complicité d'abus de faiblesse. Dans cette affaire, 8 de ses anciennes disciples et leur famille ont porté plainte. Une dizaine de femmes lui restent fidèles et défendent aujourd'hui encore leur guide spirituel. Combattre l'illettrisme pour accéder à l'emploi. Pôle emploi se mobilise. Hier matin, les habitués de 3 cases à lire de Saint-Denis se sont réunis. Pas de livres ou de stylos au programme du tressage de Vacoa et la confection de dessous de table ou de bertel. Des travaux manuels pour découvrir de nouvelles filières. Le reportage d'Olivier de la Richaudie. Les épines à lever. Patience et précision, deux qualités requises pour s'adonner au tressage du Vacoa. Ces 7 brins en main, Issouf, 23 ans, façonne une première lanière. Je travaille avec la main, mais dans le bureau, je ne me vois pas trop. Ça me plaît, voilà. Après, ici, il gagne travail là-dessus, mais là, sans moi là-dessus. Le Vacoa, une filière qui s'inscrit parfaitement dans la logique du développement durable. Pour Jacqueline Técher, la formatrice, cet artisanat permet de limiter le gaspillage tout en restant dans une logique de valorisation. Moi, j'ai un champ de Vacoa. Et les feuilles qui sont tombées à terre, on redonne une seconde vie. Bientôt, il n'y aura plus les sacs plastiques dans les supermarchés. On va faire des tentes de Vacoa, on va mettre le Vacoa dans toutes les sauces. Travailler dans la filière du développement durable, un objectif à la portée des usagers des cases à lire. Passer l'acquisition des fondamentaux, Pôle emploi les oriente vers la validation des acquis ou vers l'entrepreneuriat. Valérie Piouet, référente création d'entreprise. Que ce soit au niveau de la récupération de matériel pour faire de la couture, par exemple des sacs, des vêtements, etc. Après, nous avons aussi des projets liés à la petite enfance pour lesquels ils veulent prendre en compte des produits bio pour la santé des enfants. Pôle emploi accompagne aussi financièrement les futurs patrons en leur permettant de transformer une partie de leur allocation en apport. Olivier de la Réchaudie, à quoi ressemblera la ville de demain? Comment loger les Réunionnais d'ici 2030? Un livre blanc de la ville durable dresse le profil de ces villes du futur. Il propose des pistes de travail. Fruit d'une collaboration entre les services de l'État et les collectivités, ce document a été présenté hier par le préfet. Pour Dominique Saurin, les questions de mixité sociale, de mobilité, le développement économique devront être au cœur des nouveaux projets de construction. Autant dire qu'il faudra repenser l'habitat. Dominique Saurin. Entre la barre et l'habitation individuelle qui va consommer beaucoup d'espace, il y a des situations intermédiaires avec plus ou moins dense. Ça peut être des petits immeubles à un étage ou à deux étages, vous voyez, des choses de ce type, et qui permettent aussi d'apporter des services, de se situer dans des zones où il y a des services, où il y a des commerçants, où il y a des écoles, où il y a des services publics, où il y a des transports. C'est ça aussi qu'il faut étudier. Il ne s'agit pas d'opposer deux modes de vie, la maison totalement individuelle avec 500 mètres carrés de terrain autour et je dirais l'immeuble, la barre collective. C'est entre les deux et c'est surtout par-delà la construction, c'est le mode d'organisation urbaine qui est important. C'est avoir une vraie ville, c'est pas construire simplement des logements. Dominique Saurin, le préfet de La Réunion, interrogé par Olivier de la Richaudie. Du nouveau pour Mayotte, les renforts de forces de l'ordre attendus dans l'archipel se précisent. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, l'avait annoncé. C'est finalement la ministre de l'Outre-mer qui a présenté le plan de sécurité pour Mayotte hier à Paris. 102 policiers, 42 gendarmes de plus et l'implantation d'une unité du GIGN. Voilà pour les mesures phares. Avec ces moyens, il s'agira de lutter contre l'immigration clandestine et de mener des actions de prévention de la délinquance. La ministre a aussi parlé de sanctuariser l'espace scolaire. Georges Paul-Angevin. Nous allons mettre en place à Mayotte un dispositif qu'on a expérimenté avec beaucoup d'efficacité à la Martinique, qui est le dispositif des élèves pairs, où on a des jeunes qui font un peu les médiateurs à l'intérieur des établissements scolaires entre leurs camarades et qui règlent les petites difficultés qu'il peut y avoir dans l'école et qui éventuellement aussi peuvent prévenir sur la présence d'autres jeunes qui ne sont pas dans le collège. Enfin, il va y avoir la mise en place d'un centre fermé donc un renforcement des moyens pour prendre en charge les jeunes une fois qu'ils sont passés dans la délinquance. Pour l'instant, il est clair que tant en éducateurs qu'en assistants sociaux, on n'a pas ce qu'il faut à Mayotte. Et par conséquent, avec l'aide du fonds de prévention de la délinquance, nous allons aujourd'hui remettre davantage de moyens pour la prévention sur Mayotte. Georges Paul Angevin répondait à William Cromwell. À Mayotte, effectivement, les chiffres de la délinquance sont inquiétants. Hier, à l'initiative du nouveau préfet, des opérations ont été menées, l'exécution de décisions de justice. Des habitations illégales ont été détruites. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Hakim Ali Saïd. Sécurisé ou pas ? C'est au saut du lit que des jeunes soupçonnés d'exactions ces derniers jours sur les routes de Mayotte sont interpellés. Nous sommes dans l'un des bidonvilles de Mamoudzou. Plus de 100 gendarmes et policiers sont mobilisés. Malgré le sous-effectif des forces de l'ordre dans le 101e département français, l'État entend montrer qu'il n'y a pas de zone de non-droit. On ne peut pas vivre durablement dans cet état de tension qui pose des difficultés à la société. Démanteler les groupes de caïds, mais aussi démanteler des cases implantées illégalement. Opération d'envergure pour rappeler que la lutte contre l'immigration clandestine relève du domaine régalien de l'État. Il faut avoir d'abord un courrier avant de sortir des gens. Mais aujourd'hui, il vient, oh, ils sont la loi, il fait sortir les gens. Tu as un terrain, il y a une personne qui est là-dedans, demande-lui que là, je vais faire mon terrain, tant de choses, il faut sortir. Tu lui donnes une date qui se démerde pour chercher un truc. Mais là, vous venez surprise, et là, la famille, là, ils vont aller à où ? Et ils ont tous des séjours, ils vont aller à où ? Et c'est vous qui leur donné les séjours, ils vont aller à où ? Ça, c'est Mayotte. Cette importante opération police-gendarmerie menée sur le terrain par le nouveau préfet de Mayotte intervient le jour même où le gouvernement présente le plan Mayotte Sécurité. Hakim Ali Saïd. De la musique avec le Sakifo 2016 qui commence aujourd'hui à Saint-Pierre. Premier concert des 18h parmi les chouchous des jeunes, les Casseurs Flotteurs. C'est le nom du groupe du rappeur Orelsan, un projet qu'il mène avec Gringe. C'est avec lui qu'il joue aussi dans le programme court Bloqué que les ados connaissent bien. Alors Orelsan est-il le porte-parole d'une génération ? Sa réponse. Regarde comme il fait chaud dehors. Je m'en bats les couilles. C'est pas trop à nous de décider ça. C'est vrai que les gens disent beaucoup ça par rapport à nos albums ou à notre film, mais c'est pas nous qui décidons, quoi. Nous, on fait des choses qui nous ressemblent. Après, forcément, faut que ça nous ressemble. On ressemble à d'autres gens, donc il y a d'autres jeunes qui se retrouvent dedans. Et puis, je pense qu'on fait quelque chose d'assez contemporain. Mais c'est pas à nous de dire. À aucun moment, en faisant le film, on s'est dit on va représenter une génération. On a fait un truc qu'on aime bien et qui nous ressemble. Et voilà, après les gens ils voient ce qu'ils veulent, quoi. Je vis en marche, plus ça va, plus je me détache. Déchiré sur les photos, même sur le périph', souris quand y'a les flashs. Je frôle la syncope, ils m'en rendent malade. Au réveil, le petit déj, c'est une fin de clope et une part de pizza froide. Fatigué, je trouve même plus la force de m'ennuyer. Orelsan, interrogé par Daniel D'Ambreville. Orelsan, ce soir, en concert avec les Casseurs Flotteurs. L'info revient à 9h. Et c'est Yo, Cécile Thomas. Vous voulez qu'on parte tout de suite à Paris ? On part rejoindre Yo Martin Baumer pour la revue de presse. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Yo Cécile, yo à tous. Vanessa Miranville, Bachil Vali, Stéphane Foissin, plusieurs maires réunionnais étaient présents au 99e congrès des maires qui s'est achevé hier avec le discours de François Hollande. Oui, le chef de l'État qui s'est exprimé devant les maires de France. L'idée était de calmer leur colère face à la baisse des dotations de l'État. Et les quotidiens sont partagés ce matin. Libération note un coup de pouce à plus de 2 milliards d'euros. Quand le Parisien parle, lui, du vrai faux cadeau fait aux maires, des maires sans enthousiasme relève pour sa part le Figaro. Car selon le journal, le président n'a répondu que partiellement aux attentes. Il a du coup été sifflé dans la salle. La Libération est donc plus mesurée, parlant là d'une décision Florent Bon, la synthèse hollandaise. Et contrairement à beaucoup de communes françaises. C'est une bonne période pour le transport aérien. Des bénéfices records sont prévus, et notamment pour la compagnie aérienne Corsair qui dessert la Réunion. C'est en tout cas ce que notent les Échos, puisqu'elle devrait sortir du rouge à la fin de l'année. Et pour ses 35 ans, poursuit le quotidien économique, un an après l'échec de son rapprochement avec Air Caraïbes, eh bien Corsair va faire peau neuve dès l'an prochain, installation notamment d'une véritable classe affaires et d'une classe éco améliorée. C'est moins drôle du côté d'Air France, puisque les pilotes pourraient se mettre en grève. Et ce que nous dit le Parisien, c'est que l'ensemble des syndicats de pilotes de la compagnie ont lancé hier un appel à la grève, notamment pour défendre l'emploi. Et cette grève est prévue pour débuter le 11 juin, soit le lendemain du premier match de l'Euro de football, ce que déplore la direction. L'Euro, justement, est une question posée par Le Monde. Les Bleus, l'équipe de quelle France? Car 5 ans après l'affaire des quotas, le foot français est de nouveau aux prises avec des questions d'identité. Karim Benzema et Eric Cantona ont parlé de racisme. La fédération assure depuis les attentats à recevoir des lettres horribles d'extrémisme. Et une phrase mise en exergue, celle du chercheur Emmanuel Blanchard, la France Black Blanc Beurre de 98 est un mythe. En revanche, Cécile, ce qui n'est pas un mythe, c'est le succès des ventes de téléviseurs avant le début de la compétition. Comme d'habitude, un chiffre avancé par le Figaro, au mois de mai, les ventes ont progressé de 50%. Bonne journée à vous. Bonne journée. Cécile Thomas, à très bientôt Martin. Le vent va encore souffler sur le département aujourd'hui. Un conseil, protégez-vous au maximum pour éviter de tomber malade, une grippe si vite attrapée en cette période. Alors notons que les nuages seront bien présents dans les régions Est et Nord, et puis cette grisaille qui va même toucher l'ouest de notre île. Il nous sera difficile d'observer les plus hauts sommets à cause de ce temps nuageux justement. Alors un mot sur le temps qui vous attend demain, samedi. Averse, vent et un soleil qui sera timide. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Du 3 au 5 juin, le goyavier se fête en famille à la Plaine des Palmistes. Rencontrez les acteurs de la filière et faites le plein de fraîcheur. Chaque jour, spectacles et concerts gratuits vous attendent. La fête des goyaviers, un festival de saveurs. Allô chérie, j'ai essayé de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sophia. Avec Sophia ? Et c'est qui celle-là ? C'est un service gratuit de l'assurance maladie qui m'aide à mieux vivre avec mon diabète. Un infirmier me conseille sur mon activité physique, mon alimentation et les examens de suivi. En discutant avec lui, j'ai décidé de reprendre le vélo. Merci Sophia. Ok, allons bouger ensemble. Pour en savoir plus et savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement gratuit Sophia, appelez le 0809 109 974. L'assurance maladie. Service gratuit plus prix appel, destiné aux diabétiques du régime général de l'assurance maladie, sous certaines conditions. Du 30 mai au 5 juin, c'est la semaine européenne du développement durable. À pied, à vélo, en covoiturage et en bus, avec la carte Réunipass, valable sur tous les réseaux de transport. Retrouvez-nous chaque jour dans une gare, animation, jeux et lot à gagner. Le dimanche 5 juin, animation à Saint-Louis. Allons bouger autrement avec le syndicat mixte de transport de La Réunion. Canette. Gariguette. Bicyclette. Banquette. Basket. Diabète. Vérifiez où vous en êtes. Du 3 au 10 juin, à l'occasion de la Semaine nationale de prévention du diabète, faites le test sur www.contrelediabete.fr. Si tout d'un coup, haut de bras, haut de jambe, tout un côté de votre corps est faible, un côté du visage ne bouge plus, et comme dit Créole, la langue émaille, alors peut-être on a un AVC. On en parle sur Réunion Première jusqu'à 9h. L'OMS parle de pandémie mondiale. Pour quelle raison ? À La Réunion, combien de personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral ? Quels sont les facteurs de risque ? Qu'en est-il des séquelles ? Et comment reprendre goût à la vie après un tel accident ? Le sujet de l'AVC est-il le tabou dans les familles réunionnaises ? Et puis, si vous avez été témoin d'un AVC, comment réagir au plus vite ? Connaissez-vous les numéros d'urgence ? Alors, je vous les donne, c'est le 15, et puis 212 depuis votre portable. Merci de réagir jusqu'à 9h 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allo Première. 8h 10h Allo Première, Claude Montanet. Le bar à choix à Saint-Denis sera fermé demain, on en parle avec Yves. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Bonjour Dallon. Oui, le bar à choix, parce que nous sommes le premier samedi du mois, et comme nous sommes au mois de juin, ben le thème de ce marché de nuit, ben ce sera la musique, voilà, tout simplement. Donc fermeture à partir de 19h30, des boulevards Massé et Joffre, avec déviation traditionnelle jusqu'à 1h, 2h du matin. Et dimanche ensuite, attention avec la pluie et des pertes de contrôle. Attention à adapter votre conduite aux conditions de circulation. Il y a une perte de contrôle à hauteur de Petit Bazar, sortie Petit Bazar en direction de Saint-Benoît. Mais le véhicule, lui, il a fait un tête-à-queue. Il s'est retrouvé dans l'autre sens. Il est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, donc il gêne pas. Mais ça surprend forcément de voir un véhicule avec l'avant face à soi. Donc restez prudent pour passer ce secteur où la circulation se fait à peu près correctement. Il y a encore de gros bouchons dans l'ouest suite à cette collision de ce matin sur la route Digue, donc qui a vraiment perturbé le trafic. Vous êtes encore coincé sous le tunnel du Cap Laoussé en ce moment. Gros trafic dans la sortie jusqu'au début de la route Digue, donc une vraie milieu de route Digue. Après, la circulation se fait un peu plus correctement. D'ailleurs, à l'entrée ouest de Saint-Denis, vous êtes sorti du tunnel du Cap Bernard. Le pont Vinsan s'est libéré. Il y a encore du monde sous la tranchée côté montagne, avec une entrée est où il y a un petit peu moins de difficultés. Alors sur certaines zones, la ligne droite de la Jamaïque est encore encombrée, mais il y a encore des difficultés en arrivant de l'est, hein, donc avec cette route trempée jusqu'à Saint-Denis. On vous demande d'être patient, vous qui circulez en ce moment dans ce secteur, Ravine des Chefs, c'est encore bien ralenti. Donc si vous arrivez de l'est, voilà pour l'essentiel. Le gros rendez-vous aujourd'hui, c'est dans l'ouest, Claude. Il y a la fête du Sacré-Cœur, ça se passe au Colimaçon, comme chaque début mois de juin, premier vendredi d'ailleurs. La circulation se fera avec des contraintes, notamment à partir de 8h30. Interdiction de circuler entre la rue Le Monde-Poy et le carrefour avec la route de Bramouton. Et la descente depuis la route Hubert de Lille jusqu'à la route de Bramouton est également interdite toute la journée jusqu'à 17h. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Il est 8h20 sur la première, les grandes expéditions. Caroline Marie sur la première. Planète Outre-mer, la chronique environnement présentée par Caroline Marie. Lors de notre passage en Guadeloupe en juin 2015, une campagne océanographique se préparait à partir pour aller étudier la faune de grande profondeur, soit jusqu'à 1000 mètres. L'occasion de rencontrer Nicolas Biastoni, le capitaine de l'expédition. Il travaille depuis 11 ans sur les navires de l'IRD et du CNRS. Donc on part jamais pour la même chose. On rencontre des gens différents à chaque fois. Et les manipulations sont variées. On part pour divers buts à chaque fois. Et c'est ce qui fait un peu le charme du métier, parce que j'ai été marin pêcheur pendant 15 ans et c'était plutôt monotone. On partait du point A pour aller pêcher, on revenait au point A, on débarquait, terminé. Quoi. Ça, c'est un peu plus varié, disons. Quoi. Et c'est la multitude de gens rencontrés qui fait que le métier est intéressant. Quoi. Je dis pas que ça se passe toujours bien, que tout le monde est intéressant, mais la plupart du temps, les scientifiques qui embarquent, ils aiment bien, disons, nous faire partager, nous expliquer des mots un peu plus simples, pourquoi on est venu, qu'est-ce qu'on va faire. Ça met un peu de cœur à l'ouvrage quoi, pour la suite. Quoi. Les dragues warennes et le chalut à perche permettent de racler les fonds pour y prélever la faune benthique afin d'en faire un inventaire. Laure Corbary, chercheuse au Muséum d'histoire naturelle, spécialisée dans la taxonomie des crustacés, elle revient sur la genèse de l'expédition Carubentos II au large de la Guadeloupe. Nous avons fait une expédition en 2012 ici, qui était dédiée justement uniquement aux environnements côtiers. On a travaillé entre 0 mètre au bord du littoral jusqu'à à peu près 80 mètres de profondeur. On voulait compléter un petit peu l'inventaire que le parc national de Guadeloupe avait sur sa zone et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait plein d'espèces qui n'étaient pas connues. Ces espèces sont des espèces de petite taille qui n'avaient jamais été cherchées, qui n'avaient jamais été découvertes et qui étaient rares, c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas nécessairement en abondance. Donc on avait un bilan très positif de notre expédition en 2012 et avec le parc national de la Guadeloupe, nous avons discuté effectivement l'intérêt d'aller plus loin. On s'est rendu compte en allant chercher un petit peu dans la littérature qu'effectivement il y avait très peu de données sur cette zone de Caraïbes. Quand on regarde maintenant, on a des bases de données disponibles sur Internet qui recensent les espèces sur les zones. Au final, il y avait très très peu, il y a peu d'espèces recensées pour la zone profonde de Guadeloupe. Une fois tous ces échantillons étudiés, Carubentos II devrait permettre d'en savoir plus sur les mollusques, les algues, les étoiles de mer ou les coquillages, sans oublier les poissons des grands fonds. La faune benthique, ces animaux qui vivent jusqu'à 1000 mètres, est moins étudiée que celle de la pleine mer, d'où l'intérêt de ces expéditions scientifiques. C'était Planète Outre-mer avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Merci Caroline Marie. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Vous êtes très nombreux à réagir sur le sujet de ce matin, sur l'accident vasculaire cérébral. Et puis Annie qui nous écrit depuis son ordinateur. Mon mari vient de faire un AVC. J'ai réagi à temps et donc on l'a sauvé. On devrait faire des formations pour tout le monde. En revanche, elle dit aussi ceci. Il n'y a aucune reconnaissance pour le malade. Pas d'aide possible. Donc, selon Annie, la prise en charge après un AVC est loin d'être parfaite. Pour vous joindre au débat, jusqu'à 9h sur la première, 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allo Première. Nos invités, le neurologue Gilles Bourdet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Daphné Schott, neuropsychologue, secrétaire de l'association France AVC, bonjour. Bonjour. Et puis nous attendons aussi un invité, donc c'est notre témoin, c'est Jean-Claude Pradine, c'est un ancien patient. Alors merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Gilles Bourdet, une réaction, un commentaire suite à l'analyse de notre auditrice tout à l'heure, Annie. Oui, ben un commentaire, c'est déjà de dire que elle a raison et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, communiquer sur l'AVC, communiquer sur les symptômes, les premiers symptômes, les premiers signes de l'AVC, savoir les détecter pour pouvoir conduire la victime le plus rapidement à l'hôpital et bénéficier des soins nécessaires à la prise en charge initiale, à savoir par exemple une thrombolyse, une artère qui devrait être débouché. Ça se fait de plus en plus parce que les patients sont de plus en plus informés. Voilà. De là à faire des formations, je sais pas, mais en tout cas, communiquer sur le sujet, c'est important. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Avant de partir au standard, parce qu'il y a déjà du monde qui souhaite réagir sur le sujet de l'AVC. Daphné Schott, donc cette reconnaissance pour le malade avec l'association France AVC, c'est quelque chose qui revient très souvent. Oui, alors en fait c'est vrai qu'après l'AVC, donc il y a une grosse prise en charge au niveau du milieu hospitalier, et puis l'après est un parcours du combattant comme tout le monde le dit très souvent. Donc nous on essaye d'intervenir à cet endroit-là pour accompagner justement des personnes comme l'auditrice que vous évoquiez ce matin, dans en tout cas ce parcours de dossier administratif, de demande de reconnaissance du handicap. D'aide, etc., qui peuvent se faire soit par le biais du conseil général, soit par le biais de la MDPH en fonction de l'âge de la personne. Mais il y a une vraie méconnaissance, un manque de lisibilité, de visibilité du réseau et de ce qui existe pour les patients. Alors, l'association France AVC a pour but d'aider au mieux les patients atteints. Donc, comment vous intervenez ? Alors, on intervient donc dans l'accompagnement. Oui, on intervient vraiment dans l'accompagnement. À la sortie, on essaye au plus proche de la sortie du milieu hospitalier. On va intervenir déjà sur des visites à domicile où on va faire le point en fait avec la famille et le patient sur tout ce qui peut exister, tous leurs besoins. Vraiment, c'est un recueil de besoins et pour les accompagner vers les dispositifs qui seraient intéressants pour eux. Et dans un deuxième temps, on intervient donc sur des ateliers. On met en place des ateliers une fois par mois sur les quatre coins de l'île. Sur des thématiques différentes. Ça va de la nutrition, donc sur l'hygiène de vie, en passant par la prise de tension, des groupes de parole avec des psychologues pour évacuer un peu la souffrance. Daphné Schott, neuropsychologue et puis secrétaire de l'association France AVC. Le neurologue Gilles Bourdet, je dis bonjour également à notre invité qui vient d'arriver, c'est Jean-Claude Pradine, ancien patient. Bonjour. Absolument, mais bonjour. Merci de rester avec nous, d'être là. Nous partons au standard sur la première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Annie Rose de l'Entre-deux. Bonjour Annie Rose. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors allez-y, c'est à vous. Voilà, moi j'aurais aimé savoir comment faire pour entrer en contact avec France AVC. D'accord, très bien. Ça, c'est la première question, elle est directe. Mais on vous donnera tous les renseignements nécessaires et importants vous concernant. Mais vous souhaitez réagir notamment sur la prise en charge après un AVC. Voilà. Mon mari, lui, il a fait son AVC il y a une semaine à peu près. Il doit reprendre son travail au mois de juillet. Moi, je suis agricultrice, c'est pas évident et je sais pas comment faire. C'est tout récent, c'est ça. Ça remonte à une semaine, hein. Oui. D'accord. Et donc là. Je voulais en même temps remercier le service de neurologie du CHU Saint-Pierre. Très bien. Donc il a fallu agir dans l'urgence rapidement. Oui. Ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Oui. D'accord. Il est où alors votre mari ? Là, il est chez moi. Je l'ai ramené chez moi parce que à l'hôpital, il était complètement perdu. Ouais. Et après cet accident vasculaire cérébral, comment il se sent? Monsieur, il ne reconnaît pas sa maison, et rien, il est... Je veux dire, je suis en appui, quoi. Il n'y a rien d'autre autour. Ouais. Vous comprenez, Gilles Bourdet, la difficulté pour Annie Rose. Donc là, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'un accompagnement, elle cherche un numéro de téléphone, voilà, ça c'est... Ce sont des réactions qui reviennent très souvent, ça, mm-hmm. Et dans c'est l'accompagnement. Là, c'est là où se place l'association France AVC Réunion. Alors, pour lui répondre tout de suite, il y a un numéro de GSM, le 06 92 144 680, c'est le numéro de GSM de l'association France AVC Réunion. Nous sommes visibles également sur Internet, www.avcreunion.com. Et nous avons aussi une adresse mail. Enfin bref, donc là où on se place avec France AVC Réunion, c'est la prise en charge justement des patients au sortir de l'hôpital, au sortir des centres de rééducation. Là, on est dans un cas quand même assez extrême, c'est extrêmement récent. Ça remonte à une semaine. Ouais. Alors, pour une raison que j'ignore, je ne sais pas, ce monsieur n'est pas dans un centre de rééducation. Mais en tout cas, l'association France AVC Réunion va être là pour soutenir à la fois le patient, s'il en a besoin, sur le côté psychologique, sur le côté social, et soutenir également ce qu'on appelle les aidants, hein, c'est-à-dire les personnes qui sont autour du patient. Ça peut être la famille, les voisins, les proches, les gens qui sont proches de la personne et qui vont l'aider. Ouais. Donc, le témoignage important de cette dame. Annie, merci beaucoup. Merci beaucoup. On rappellera le numéro de téléphone de l'association France AVC sur Réunion Première. Merci à vous, à très bientôt. Merci. Au revoir. Il est 8h30. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Quels sont les facteurs de risque? Qu'en est-il des séquelles? Comment reprendre goût à la vie après un tel accident? 02 62 99 2000. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, vous êtes à Saint-Denis. Et on parle de la braderie de Saint-Louis qui a commencé aujourd'hui en lèchement de Tilos. Donc vous avez vu ces panneaux depuis le rond-point de la Ouette d'ailleurs, au niveau de la rivière. La circulation compliquée pour sortir de la route de Tilos, traverser la rue principale, rejoindre l'échangeur de Bel Air pour retrouver la 4 voies. Ça sera difficile donc dans ce sens, bien entendu, donc des hauts vers les bas, même côté Roche-Maigre, donc la descente de la route des Macs. Là, c'est le quartier de l'abattoir, retrouver le quartier du Gol. Donc circulation difficile à prévoir jusqu'au 12 juin, c'est prévu, donc pendant 9 jours, donc cette braderie, rue principale, fermée donc le matin, mise en place donc avant 8h, et à partir de 8h, c'est fermé jusqu'au soir 18h, et il faut attendre également le nettoyage ensuite. Donc attention, soyez patient, bien entendu, et puis ça sera un peu compliqué sans doute l'après-midi sur le pont de la rivière Saint-Étienne, pardon. La patrouille qui est en train de se diriger en ce moment vers la sortie du tube côté montagne, puisqu'il y a toujours des ralentissements sous toute la tranchée couverte côté montagne sur le boulevard sud. Il y avait ce véhicule, donc ce poids lourd annoncé, petit camion, donc en panne, avant le rond-point doré. On va en savoir un peu plus s'il arrive enfin donc à rejoindre ce secteur. Il y a encore de gros bouchons dans l'ouest, hein, puisque l'entrée ouest, c'est au niveau de la caserne Lambert, donc ça se passe plutôt bien, tout comme le pont Vinsan. Vous avez une entrée est encore assez chargée, notamment à la ligne droite de Jamaïque, sous la pluie, et donc quand il pleuvoir dans ce secteur. Et le véhicule qui a fait cette perte de contrôle au niveau de Petit Bazar a été pris en charge par un camion de remorquage. Donc plus de soucis à ce niveau en direction de l'est. En fin de 4 voies à Saint-Benoît, il y a un léger ralentissement vers Beaulieu. Et puis donc dans l'ouest, je vous le disais, donc toujours ces ralentissements. Sortie du tunnel du Cap Laoussé maintenant, ça se rapproche doucement de Plateau Caillou. Circulation encore difficile également sur le front de mer de Saint-Paul. Très bonne route. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Les invités de Réunion Première pour cette émission spéciale sur l'AVC, le neurologue Gilles Bourdet, Daphné Schott, neuropsychologue, et puis Jean-Claude Pradine, ancien patient. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Jean-Claude Pradine, en 2015, vous faites un accident vasculaire cérébral. Les images sont encore là? Oui, absolument. Enfin, cet accident est survenu le 11 février 2015. Enfin, ce sont des choses qui sont très, très, très précises dans ma tête. Et je vous avoue qu'on en parle aujourd'hui. J'arrive à en parler avec un certain recul et en maîtrisant mes émotions. Ça ne vous embête pas que je vous pose la question, non? Non, pas du tout. Il y a quelques mois encore, je dirais 3-4 mois, j'aurais été incapable de vous en parler comme ça, avec le recul nécessaire et la maîtrise de mes émotions. Non, non, c'est quelque chose qui... Vous avez besoin d'en parler, c'est... Ou alors c'est un sujet qui est resté tabou pendant un petit moment, c'est... Ah oui, oui, non, non, non, c'était un sujet dont j'étais incapable de parler. Non. Si, non. Si, évidemment, bon, après l'AVC, la rééducation, on parlait de ce monsieur tout à l'heure, là, qui a eu son AVC il y a une semaine, qui n'a pas entamé apparemment de processus de rééducation, enfin, qui n'est pas dans un établissement spécialisé. Il y en a à La Réunion. Je pense que si j'avais pas eu ce passage-là, pour moi, ça aurait été très difficile et j'aurais été... certainement toujours très, très affecté, à commencer par ma mobilité, hein, que j'ai quasiment retrouvée à, on va dire, à 90%. Mais c'est effectivement quelque chose qui, mentalement, d'un point de vue cognitif également, oui, est très traumatisant. Voilà, alors maintenant j'arrive à en parler, j'ai essayé plein de choses, enfin, de la rééducation, l'hypnose, j'ai essayé, l'acupuncture et le MDR. Le MDR, qui est une technique relativement nouvelle, enfin, je peux en parler par rapport aux effets que ça a produit sur moi, mais certainement que vos invités pourront en parler de manière plus précise, d'un point de vue médical, qui consiste par des mouvements des yeux, en fait, à éliminer cette sensation de traumatisme. Hein, c'est-à-dire de quelque chose qui est dans la mémoire. Et en fait, l'AVC, qui est bien sûr un accident et donc très traumatisant, réveille tous les événements traumatisants qu'on a pu avoir dans sa vie. Voilà. Et donc, dès que on aborde ce sujet-là avec des proches ou autres, ou avec des moins proches, c'est effectivement très, très, très difficile d'un point de vue émotionnel. Gilles Bourdet, neurologue, expliquez-nous, s'il vous plaît, mais aussi pour les auditeurs, comment ça se passe dans le cerveau ? Alors, il y a les signes annonciateurs d'un AVC. Comment ça se passe alors après ? Alors, l'AVC... Dans notre cerveau. L'AVC, en fait, c'est un terme générique qui regroupe... plusieurs types de pathologies qui vont toucher effectivement le cerveau. 80% des AVC sont liés à l'obstruction d'une artère. Donc il va y avoir une ischémie, il va y avoir un infarctus du cerveau dans 80% des cas. Dans 20% des cas restants, ça va être une hémorragie. Hein, donc c'est plus un infarctus, c'est une hémorragie du cerveau. Alors comment ça se passe ? Ben, ça se passe de façon... très différente en fonction de la partie du cerveau qui va être touchée, mais de façon globale, les symptômes les plus souvent retrouvés vont être une paralysie plus ou moins importante d'une partie du corps. Hein, c'est les fameux signes de l'AVC, un bras, une jambe qui bouge plus, qu'on sent plus. Le côté du visage aussi qui ne bouge plus. Le côté du visage, la bouche qui est tordue, ou alors des troubles de l'élocution, hein, ce qu'on appelle l'aphasie. Voilà, on ne trouve plus ses mots, ou alors on ne comprend plus rien. Comme dit Créole, la langue imaille, c'est ça. Ouais. Voilà. Ou gagne plus causer. Ouais, c'est voilà. Ça. Tout à fait. Donc, voilà ce qui se passe dans le cerveau, mais ça peut être d'autres symptômes aussi, hein, une espèce d'agitation. Une agitation dans le cadre d'une aphasie isolée, si on n'a pas la paralysie, on a simplement l'agitation, notamment chez des sujets jeunes, ça peut être pris pour de l'ivresse aiguë, hein, une alcoolisation importante, ou alors une bouffée délirante. Donc c'est des symptômes qui sont... Comment ça se passe dans la tête ? C'est une question compliquée, pour laquelle il y a plusieurs réponses. Quoi. Les facteurs de risque ? Les facteurs de risque vasculaires classiques, hein, c'est l'hypertension artérielle, surtout à La Réunion. Hein, la Réunion est plus touchée par l'hypertension artérielle que le territoire métropolitain. L'obésité, le tabagisme, la sédentarité, le diabète. Le diabète, là aussi, très important aussi à La Réunion. Et le cholestérol. Alors, comment reconstruire sa vie après un accident vasculaire cérébral, Jean-Claude Bradine ? Ah oui, grande question. En fait, chaque cas est spécifique, hein, il faut déjà donc le préciser. Oui. Ça, on me l'a toujours dit dès le départ, c'est-à-dire que les médecins, les rééducateurs, au début, n'ont pas une position systématiquement optimiste, hein, sur votre cas. Donc, on le voit au fil de l'eau. Donc, comment reconstruire sa vie ? En se battant pour entamer ces périodes de rééducation qui, moi, ne sont pas encore terminées. Hein, donc, 16 mois après, je suis toujours en rééducation. Mais je suis resté, on va dire, 2 mois et demi à 3 mois en fauteuil roulant. Hein. Donc il faut prendre conscience, accepter à un moment donné cette étape. Accepter, que, voilà. Ça, oui, ça. L'accepter, ouais. C'est le bon. Je crois que c'est ça le mot qui convient. C'est ça le plus dur. Absolument. Ouais. Bon, j'avais une vie professionnelle, enfin, en général très active, et du jour au lendemain. Tout ça s'arrête du jour au lendemain. Ah, mais c'est on parle d'un accident, hein. Accident vasculaire cérébral, donc ça arrive brutalement. Pour revenir après à la phase, disons, aiguë, hein, celle dans laquelle donc on entre dans cette pathologie, on sent rien. Il y a pas de douleur physique. J'ai pas eu de douleur cardiaque ou quoi que ce soit. C'est arrivé. J'étais en voiture, hein, donc j'étais dans ma voiture et j'ai senti tout d'un coup. Vous alliez au travail là, c'est ça? Oui, j'étais dans le cadre. Vous étiez dans votre voiture. Oui, c'était dans la journée, voilà. Ouais. Et on sent tout à coup un engourdissement. Au niveau du bras, de la jambe. Ça a commencé par le bras et la main. J'ai voulu ouvrir la baie vitrée de la voiture et bon, je pouvais plus bouger quasiment la main. Ensuite, c'est ce que soulignait Gilles, l'aphasie. Donc j'ai voulu appeler parce que j'avais pas complètement identifié les symptômes de l'AVC, mais je sentais que je perdais toute une partie de mes capacités. Donc j'ai essayé d'appeler et là impossible de composer le 15. Si, j'ai composé le numéro. Enfin non, j'ai appelé un ami pour tout vous dire, hein, dans un premier temps. Mais j'étais incapable de lui dire où j'étais, ce qui m'arrivait, l'endroit où je me trouvais. Donc j'ai pu m'arrêter. Donc j'ai eu cette phase à ce moment-là très traumatisante de ce qu'on appelle l'EMI, hein, bon, l'expérience de mort imminente, où effectivement j'ai vu défiler tout un tas d'images de ma vie passée. Et effectivement, à ce moment-là, j'avais bien conscience que j'avais un pied dans la mort, un pied dans la vie. Et bon, par un sursaut d'énergie que je ne saurais qualifier, j'ai réussi à redémarrer ma voiture et à me rendre aux urgences. Enfin, en l'occurrence, c'était à Saint-Clotilde, parce que j'étais pas très loin. Je suis arrivé donc aux urgences. C'est mes deux petites filles que je venais d'avoir qui m'ont donné cette force. Hein, que j'ai retrouvé. Bon, après, il y a eu des facteurs chance, bien entendu, c'est-à-dire que il n'y avait pas une grande circulation, je ne me suis pas trouvé arrêté par des feux rouges, j'ai une voiture automatique, donc, parce que ma jambe gauche, ne fonctionnait plus. Voilà, tout ça. Et quand je suis arrivé aux urgences, ben, bon, là, bien sûr, ils ont diagnostiqué tout de suite la pathologie, et je dois souligner le professionnalisme après de Gilles. Je me suis retrouvé dans le service à Belle-Pierre, hein, à Saint-Clotilde, ils n'avaient pas l'environnement pour me prendre en charge, donc j'ai tout de suite été amené par les pompiers au CHU, et là, donc, l'équipe a été vraiment formidable. Jean-Claude Pradine, notre témoin pour parler de l'AVC, un pied dans la mort, un pied dans la vie. Vous réagissez au standard de la première, 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Puis alors Céline qui dit que mon mari avait un AVC à 52 ans, il ne partait pas au médecin, jamais été malade, écoutez bien son témoignage, même pas un comprimé pour un mal de tête. Et puis après un soir en rentrant du travail, il me dit que sa jambe est un peu lourde, il était dans un bureau du matin au soir, donc il a mis ça sur le compte de la fatigue. À 4h du matin, il a essayé de se lever pour aller aux toilettes, il n'arrivait plus à marcher et il est tombé. Donc j'ai fait le 15, on m'a posé un tas de questions. Donc voilà, ça c'est important, on va y revenir tout à l'heure. Ils ont appelé mon médecin traitant, il est venu tout de suite, puis ambulance, direction Belle-Pierre, aux urgences. Au bout donc de 3h, scanner, il a fait des massages, 4 jours, donc après, il est resté un mois à l'hôpital, puis 2 ans de rééducation, il marche, mais il traîne encore son pied. Ça fait 17 ans, donc il a retravaillé, 3 mois après la retraite, tout cela à cause du diabète non dépisté et puis de l'hypertension. Donc un conseil que nous donne notre auditrice, Céline, c'est de faire un bilan sanguin après 50 ans. Pourtant, il allait à la médecine du travail et on n'avait rien trouvé. Daphné Schott, neuropsychologue, sur le témoignage de Céline. Ah oui, le 15. Donc elle a fait le 15, on m'a posé un tas de questions, donc j'ai l'impression que ça a été un petit peu trop long. Un petit peu long, alors je sais pas si je suis mieux placée que Gilles pour, on en parlera pour parler de la prise en charge. Est-ce que les patients vous parlent aussi, c'est oui, ça oui, oui, parce oui. Que vous oui, faites l'accompagnement de patients. Tout à fait, c'est quelque chose qui revient. On revient très souvent, ça, c'est sûr. Qui revient assez souvent, en effet, sur la lenteur, en tout cas, de la prise en charge et cette angoisse dans laquelle on peut se trouver quand on est en train de détecter un AVC. Souvent, quand on fait de la prévention, on nous dit oui, très bien, on a les signes, mais quand on appelle, il se passe rien derrière. Donc, ce que je tente aussi de faire, c'est de mobiliser aussi les personnes à leur donner les bons termes, peut-être, pour en parler au 15, à bien cibler la paralysie d'une moitié du corps, la paralysie faciale, la difficulté d'élocution, enfin voilà, tous les signes qu'on rappelle depuis ce matin, sur lesquels il faut peut-être être précis pour que le 15 puisse vraiment cibler l'AVC et intervenir le plus rapidement possible. Alors après, donc, Céline nous dit il allait à la médecine du travail et puis on n'a rien trouvé, Gilles Bordet, neurologue. Oui, souvent ce que j'ai l'habitude de dire, effectivement, le premier conseil à donner, c'est d'aller voir son médecin, parce que ce soit l'hypertension artérielle ou le diabète, on ne le ressent pas forcément. L'hypertension artérielle, ça fait pas forcément mal, ça fait pas mal au ventre, ça fait pas mal à la poitrine, ça fait pas forcément mal à la tête, et le diabète, c'est pareil, on peut avoir 5 grammes de glycémie, tant qu'on le mesure pas, tant qu'on va pas voir un médecin, tant qu'on fait pas une prise de sang, on ne le saura pas. L'expérience du centre 15... j'ai été dans une autre vie médecin urgentiste, je connais bien le centre 15. C'est vrai que les retours qu'on a des patients sont parfois difficiles, voire douloureux, parce que quand on est dans la détresse, on voudrait que ce soit instantané. Ça ne peut pas être totalement instantané. On est obligé d'avoir une personne qui décroche, qui prenne son nom, son prénom, son âge, l'adresse où est-ce qu'il se trouve pour qu'on puisse intervenir. Ensuite, il faut passer au médecin régulateur. Toujours, ça prend du temps et c'est très souvent mal vécu. On a du mal à faire différemment. Après, peut-être qu'il y a des problèmes de heure de pointe où il y a un décroché au centre 15 qui est plus long qu'à d'autres moments. Ouais. Le 02 62 99 2000 à votre disposition par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Le Première. Grand matin week-end, 6h, 9h, les idées sorties, la musique, les conseils bien-être et beauté. Et chaque samedi matin, je voulais savoir si on pouvait consommer les fruits. Je suis à la recherche d'aubépines. J'ai comme des petites coccinelles blanches. Nos experts Henri Meyer, Raphaël Lataste qui ont toujours de bons conseils pour vous. Grand matin week-end, 6h, 9h, Élodie Haillet. Restez avec nous sur Réunion Première. J'ai toujours adoré la mode. Plus jeune, je faisais déjà des vêtements à mes poupées. En grandissant, j'ai gardé ce rêve de travailler dans la mode. Alors, comme je ne trouvais pas de travail, j'ai décidé de réaliser mon projet grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. J'ai monté un dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, j'ai pu lancer mon atelier de couture. Alors, vous aussi réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0800 1 801 000 ou en te renseignant sur le site cg974. Première. Votre AG en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. La formation routière avec Yves, vous êtes à Saint-Denis. Oui, toujours donc proximité du Barachois avec un trafic qui se libère dans la ligne droite de la Jamaïque, mais il y a encore des ralentissements Ravine des Chèvres jusqu'à Gillot quasiment. Attention, route mouillée, évidemment, encore une belle averse sur ce secteur est de Saint-Denis. Restez prudents sur toute la route nationale 2, hein, quasiment, en tout cas en provenance de Saint-Benoît, route de Salazie y compris. Vigilance sur cette route-là, puisqu'on a eu quelques pertes de contrôle, un tôt ce matin, donc il y en a eu plusieurs, sous la pluie notamment. Et puis, la bonne nouvelle, c'est l'entrée ouest, il n'y avait plus de ralentissement, donc pour aborder le chef-lieu en provenance de la route du littoral. Par contre, c'est juste avant la tranchée couverte, après l'échangeur de Plateau-Caillou, pour le début des ralentissements, donc tout le viaduc est encore bien encombré en direction de Belmaine, dans le sens sud-nord, bien entendu. Côté sud, la circulation se fait plutôt correctement et au soleil, hein, donc l'ouest et le sud, donc à l'abri du mauvais temps en ce moment. Le véhicule qui était signalé en panne tout à l'heure avant le rond-point doré donc n'est plus là. La circulation se fait donc avec encore un peu de monde sous la tranchée côté montagne. Donc ceci dit. Et puis les marmailles des écoles de Saint-Denis se préparent, semble-t-il, au niveau des écoles du centre-ville, en tout cas Joinville et Jules Redelet. Demain jour, comme c'est sous la pluie, c'est pas forcément évident que les marmailles vont sortir sous ce mauvais temps pour aller surtout en plus vers Sainte-Marie, vers une zone où il pleut donc déjà depuis un bon moment. Donc il y a peut-être une annulation en préparation. Donc pour ce petit tour à vélo sur la partie nord de l'île. Par contre, le pèlerinage du Sacré-Cœur, lui, a bien eu lieu. Et ça y est, il est 8h30, donc la route doit être fermée. entre la rue de Montpoy et la route de Bramouton, RD13, donc à proximité du conservatoire des Mascarennes, donc la circulation donc déviée. Donc il y a seuls les bus sont autorisés à monter donc jusqu'au niveau de cette église qui accueille ce pèlerinage du Sacré-Cœur. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. L'AVC, il en est question jusqu'à 9h sur Réunion Première. Le neurologue Gilles Bourdet, Daphné Schott, neuropsychologue, et Jean-Claude Pradine, un ancien patient, ils sont avec nous pour répondre aussi à toutes vos questions au 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Daphné Schott, les anciens patients, les malades ont besoin d'informations. Les familles aussi, les aidants, comme on parlait tout à l'heure Gilles Bourdet. Alors oui. Ce besoin d'infos. Il y a un vrai besoin d'informations sur l'après, sur qu'est-ce qu'on fait en fonction des séquelles, en fonction des besoins. Déjà, savoir repérer ses besoins, c'est pas toujours très simple. Et après, sur le terme ancien patient, je sais pas si on peut se considérer comme ancien patient. Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a cette peur de l'AVC numéro 2, de la récidive, comme on appelle... ça. J'en ai pas parlé encore pour l'instant, mais le mot qui revient très souvent depuis tout à l'heure, sur les, notamment par SMS et puis sur les réseaux sociaux, c'est le mot peur. Oui, oui, il y a une vraie peur. C'est la crainte, oui. Ouais. C'est que quand on a fait un premier AVC, on a comme ce qu'ils décrivent une épée Damoclès sur la tête, avec la peur qu'il y ait un second qui va se reproduire. D'où l'importance après, au niveau de l'association, de mettre en place des ateliers de prévention qu'on appelle secondaires, qui est donc la prévention après un premier AVC, pour éviter justement qu'on puisse en refaire un autre. Donc réajuster l'hygiène de vie pour éviter un second AVC. Cindy de Trois-Bassins est avec nous. Bonjour Cindy. Oui, bonjour. Je suis pas concernée directement par l'AVC, mais je suis maman d'un petit garçon qui a eu une récidive. Ouais. Donc vous avez entendu cette méthode MDR. Alors, c'est EMDR. La méthode, c'est l'EMDR, alors qui va vraiment être, donc c'est une technique qui est prise en charge par les psychologues cliniciens, et qui en effet consiste en un mouvement oculaire. En gros, c'est une reviviscence, c'est revivre le traumatisme, j'ai envie de dire presque à son paroxysme, hein. Monsieur Pradim, vous qui l'avez vécu, vous pourriez en parler, mais voilà, qui on revit le traumatisme à son paroxysme, et ça permettrait, dans le temps en tout cas, à ce que le traumatisme, en tout cas toutes les émotions, toute la charge émotionnelle qui est associée au traumatisme puisse s'apaiser, voire disparaître. Mais par contre, ça ne prend en charge réellement que cette question émotionnelle et le traumatisme. Pour la question donc de Noémie, pour la question de Cindy, sur la mémoire immédiate, après, il y a tout ce qui va être pris en charge et rééducation. Peut-être s'orienter vers l'hôpital pour enfants de Saint-Denis, où on a des neuropédiatres qui interviennent et qui pourraient peut-être l'orienter sur une rééducation à mettre en place avec son enfant au niveau de la mémoire. Voilà. Merci Cindy. Je peux contacter qui pour la méthode EMDR ? Alors EMDR, ce serait des psychologues cliniciens. En fait, dans l'annuaire, si vous regardez psychologue clinicien ou sur internet et vous tapez EMDR Réunion, je pense que vous pourrez trouver des informations. Sinon, n'hésitez pas à appeler au 06 92 144 680 l'association. Justine qui vous répondra pourra vous renseigner. On essaiera de lui fournir la liste des professionnels qui le pratiquent. Okay, appelez-nous d'ici lundi. Okay, merci à vous. Merci à vous, à très bientôt. Gilles Bourdet, neurologue, l'AVC est une maladie grave, il faut le voir comme ça. L'AVC est une maladie grave, oui, bien sûr. C'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Troisième cause de décès en France, c'est ça? La deuxième cause de démence et troisième cause de décès après les infarctus et les cancers. Oui. Première cause de handicap, oui, bien sûr. Donc c'est une maladie grave qui touche de façon complètement variable les sujets. On évoquait tout à l'heure en aparté le livre de Jean-Dominique Body, qui a écrit Le scaphandre et le papillon. Et le papillon. Lui, c'est le cas extrême du handicap suite à un AVC du tronc cérébral. Après, on a des patients qui vont avoir des symptômes beaucoup plus légers. Donc, c'est une maladie grave avec des grosses variabilités. Je voudrais revenir sur le témoignage de Jean-Claude de Pradine sur l'importance du psychisme, du mental, du moral et de l'encadrement. Il a eu une évolution assez spectaculaire avec un patient qui était au départ hémiplégique. C'est un patient avec une vie relativement saine. Son accident remonte de février 2015. Un grand cycliste un peu plus d'un en l'espace d'une heure, se retrouve hémiplégique, hein, donc grand handicapé. Ça a été, je pense, un moment très difficile. Il parlait tout à l'heure de la phase d'acceptation de son handicap. Et après, grâce à son psychisme, grâce aussi aux antidépresseurs, on donne beaucoup d'antidépresseurs en phase aiguë aux accidents vasculaires cérébraux parce qu'ils en ont besoin. On arrive à récupérer, à avoir une récupération motrice. Il y a de grosses variations individuelles. Et souvent, les patients, les familles surtout, nous demandent dans combien de temps il va récupérer ? Est-ce qu'il va récupérer et dans combien de temps ? On ne peut pas statuer sur le handicap d'un patient avant un minimum d'une période de 12 mois. Et même encore au-delà, il y a des possibilités de récupération. Donc il faut être extrêmement patient et surtout s'accrocher. Quoi. La peur d'un AVC 2, ah, la peur d'un AVC 2, tout à l'heure. Oui. Exactement, oui, Daphné a évoqué le sujet tout à l'heure. Et j'ai vu que Jean-Claude approuvait par la tête. Effectivement, c'est la crainte. C'est la crainte hein, de la récidive de l'accident vasculaire cérébral. Et d'où l'importance de la communication, de la pédagogie. Et parfois, on se rend compte, en fonction des patients qu'on a en face de nous, des interlocuteurs, qu'on n'est peut-être pas assez pédagogue sur l'importance des traitements. Hein. Ça nous arrive de voir des patients qui, finalement, arrête au bout de quelques mois parce que l'ordonnance était donnée pour une période de 3 mois et ensuite on considère qu'il va y avoir le relais par le médecin traitant. Des patients qu'on voit arriver qui récidivent parce qu'ils ont arrêté le traitement et parce que nous on a été mauvais sur ce coup, on n'a pas été bon sur la communication de prévention. Oui, donc très important hein, la prévention secondaire et la peur de la récidive. Daphné Schott, le samedi 11 juin, donc c'est samedi prochain, et sur la plage de Boucan-Cano, notamment donc avec votre association France AVC, donc vous organisez la deuxième édition des foulées du Boucan. Alors c'est ça, en partenariat avec l'association de Bois-de-Neuf, une association sportive de Bois-de-Neuf-Saint-Paul, City Sport également qui est un partenaire. Voilà, il y a une course donc, qui s'appelle Courir pour l'AVC sur les foulées c'est de Boucan. C'est Courir pour l'AVC, oui. Ouais. Sur les foulées de Boucan, donc samedi contre 11 à partir de 17h. Alors c'est vrai, Gilles me reprend, c'est Courir contre l'AVC bien entendu. Oui, c'est un abus de langage de dire Courir pour, mais donc c'est Courir contre l'AVC. Donc samedi 11 juin et vous avez toutes les informations sur notre page Facebook, donc France AVC Réunion sur Facebook ou sur le site internet de l'association. Donc là, c'est pour les patients, c'est pour les... Alors, c'est une course où les personnes peuvent s'inscrire, donc une partie de l'inscription reviendra à l'association. Et oui, bien sûr que les fonds seront réutilisés pour les personnes victimes d'un AVC ou leur famille. Ouais, c'est pour ça que c'est important de se mobiliser autour de cette deuxième édition, parce que c'est un moyen pour nous de récolter des fonds. Hein, et, vous savez, c'est important. L'importance de c'est le nerf de la guerre, hein, l'argent pour pouvoir pérenniser et financer toutes les actions qu'on a mis en place depuis 2 ans. Donc c'est un geste de solidarité en s'inscrivant à cette course. Alors attention, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour faire les foulées de Boucan. D'abord, ça touche. Il y a une course élite. Il y a une course élite. C'est 10 km sur le bord de mer entre Saint-Gilles et Boucan. C'est très festif. Il y a aussi une randonnée sportive. Alors là, qui va toucher les gens qui n'ont pas l'habitude forcément de faire du sport, mais qui peuvent simplement marcher hein, sur le parcours qui a été dessiné. On peut le faire aussi en relais. Et il y a deux courses marmaille. Hein, donc, pour les plus jeunes. Voilà. En tout cas, on sera présent à partir de 17h jusqu'à 21h sur le stand. Pour toutes les informations sur l'AVC, Jean-Claude Pradine, vous voyez la vie autrement aujourd'hui ? Ah oui, absolument. Absolument. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pu reprendre mes activités professionnelles, entre autres. Mais alors vous avez repris le boulot, là. D'accord. Ah oui, mais de manière... disons, beaucoup plus mesuré. Okay, bon, j'avais des journées avant qui... Je me levais à 5h du matin, je finissais à 10h, 11h le soir, voilà, où j'allais me coucher. Là, maintenant, non, c'est beaucoup plus mesuré. Qu'est-ce qui a changé d'autre dans votre vie ? Votre alimentation, votre... Également, bon, là, je dois signaler que j'étais très entouré par ma famille, mon épouse, mes enfants. Et là, effectivement, tout le monde s'est mis autour de moi. Comme dit Gilles, j'avais pas une vie particulièrement stressante ou autre. Enfin, en tous les cas, qui me prédisposait à ce genre d'accident. Je fume pas. Je fais du sport, je faisais régulièrement du vélo. Voilà, j'avais une vie, quasi normale. Un peu de surtension, hein, un petit peu de cholestérol aussi, comme beaucoup. Voilà, et puis ça m'est arrivé comme ça, ça m'est tombé sur la tête brutalement. Aucun signe avant-coureur, à proprement parler, dans les semaines ou les mois, même les jours qui ont précédé. Le jour même, effectivement, je me suis senti un peu fatigué, mais rien de plus. Et donc aujourd'hui, j'écoute toutes ces choses-là, j'en prends conscience et je fais attention à tout ça. Pour rejoindre l'association France AVC Réunion, vous composez le 06 92 144 680. 06 92 144 680. Gilles Bordet, neurologue, Daniel Daphné-Schott, neuropsychologue et Jean-Claude Pradine, patient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la première. À très bientôt. Merci. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, un point sur l'information routière avant 9h, s'il vous plaît. Oui, avec les ralentissements toujours donc chargés dans l'ouest, mais échangeur de plateau caillou maintenant, encore la descente du viaduc, parfois légèrement plus roulante, mais ça descend tout doucement, hein, donc jusqu'à l'échangeur de Belmaine, soyez patients. L'entrée ouest dégagée, l'entrée est aussi, donc à proximité de Saint-Denis, il y a encore un peu de monde sur la déviation de Sainte-Marie, avec une route bien trempée, alors attention à être très prudent. Ailleurs, le trafic se fait à peu près correctement. Je rappelle les contraintes aujourd'hui, notamment avec la route de des colimaçons, hein, donc fermés en partie sur la partie haute, uniquement ouverte pour les bus, donc pour le pèlerinage du Sacré-Cœur jusqu'à 17h, et contrainte également pour descendre de trois bassins pour aller retrouver cette route des colimaçons, puisque c'est interdit dans le sens descendant, vous êtes obligé de prendre une autre route. Voilà, et puis n'oubliez pas le rendez-vous du Sac Il Faut, dès cet après-midi, il va y avoir du monde en direction de Saint-Pierre, les parkings vous attendent, parking ZI3 et parking Zac Canabadi avec des navettes, donc 1€ l'aller-retour, je le rappelle, pour rejoindre Ravine Blanche en toute tranquillité. On en reparlera puisque je serai avec vous cet après-midi là-bas. Très bonne route avec la première. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Final en une seule journée. Il est 9h, le journal de France Info. Henri Lecomte va suivre de près Dominique Thiem qui affronte Djokovic aujourd'hui. France Info. Et pour commencer, ses regards, ses yeux rivés sur la Seine. La Seine qui devrait atteindre son niveau le plus haut depuis le début des inondations, près de 6 mètres de haut. Alors à Paris, on s'active dans les musées par exemple, pour mettre les tableaux à l'abri, au cas où. Le Louvre et le musée d'Orsay sont fermés au public aujourd'hui. Gaëlle Joly, vous êtes en direct du pont de l'Alma, près du Zouave qui sert de repère aux Parisiens. Il a de l'eau jusqu'où ce matin ? Eh bien écoutez, l'eau continue de monter hein, le long des jambes du Zouave. L'image est saisissante pour vous dire, ce matin, la Seine lui arrive à hauteur de la taille. Il y a 48 heures, elle ne recouvrait que ses pieds. Le niveau de la Seine a été mesuré à 5,50 m ce matin à 6 heures. Vous le disiez, il devrait atteindre donc 6 mètres dans la journée, son pic historique depuis 1982. Ici, beaucoup de Parisiens s'arrêtent sur le pont pour observer ce spectacle inhabituel. Est-ce que craignent les autorités ? Ce sont des débordements ponctuels. Cédric, lui, a failli en faire les frais. Il est venu sauver sa voiture ce matin, garée dans une petite rue au niveau du pont Mirabeau. J'étais garé en bas, dans le bas de la rue, et j'étais obligé de l'enlever parce que sinon elle serait sous l'eau, là. Emportée par les flots ? Je pense pas, mais elle serait sous l'eau, en tout cas. Vous aviez déjà vu ça ? Non. Oui, parce que là, on voit des bouts de bois, des barques qui flottent, des poubelles. Donc, effectivement, c'est haut. C'est haut et sachez que ce matin, le tronçon intramuros du RERC est toujours fermé, ainsi que la station Saint-Michel où le métro ne marque pas l'arrêt. Et puis certaines caves, on nous le disait ce matin, en zone inondable, commencent à prendre l'eau. Gaëlle Joly avec Benjamin Thuot. La Seine-et-Marne est le seul département en alerte rouge aujourd'hui. 12 autres départements sont en vigilance orange. La ville de Nemours a été l'une des plus touchées ces derniers jours. Une ville coupée en deux par les eaux, des milliers de personnes évacuées. Alice Serrano, vous êtes à Nemours. La décrue a commencé. Est-ce que la situation s'améliore un peu ce matin ? Oui. Le niveau de l'eau a clairement baissé ce matin d'à peu près un mètre. Hein, on le voit aux traces laissées sur les façades des maisons qui bordent le Loing, cette rivière. Dans le centre-ville, des voitures, des pots de fleurs, des trottoirs qui étaient jusqu'ici sous l'eau apparaissent désormais. Mais cette décrue va être longue, prévient la mairie qui ne prévoit pas un retour à la normale avant lundi ou mardi prochain. Vous le disiez, 2200 personnes ont tout de même dû quitter leurs habitations. Alors, même si la situation s'améliore et que l'eau potable a été rétablie, ce matin, la moitié de Nemours est encore privée d'électricité. La ville est maintenant confrontée à un problème de pollution des eaux puisque le réseau d'assainissement ne fonctionne plus et de larges plaques de gasoil se détachent sur l'eau. On sent d'ailleurs une odeur d'essence ici. En fait, beaucoup d'habitants se chauffent encore au fioul et dans sa folie, le Loing a emporté le contenu des cuves et des fonds de cuves des habitations. Alors, l'autre crainte de la mairie, ce sont les pillages. Pour les éviter, cette nuit, une petite vingtaine d'agents municipaux et de bénévoles ont procédé à des rondes dans la ville. Ils devraient être épaulés dans la journée par des renforts de la police nationale. Et il faut déjà prévoir l'après ce matin, le nettoyage, les indemnisations. Vous savez que la commune devrait passer en état de catastrophe naturelle. Une réunion à la mairie est prévue en ce sens ce matin. Alice Serrano en direct de Nemours. Hier, les inondations ont fait une première victime, un homme de 74 ans qui était à cheval en Seine-et-Marne. Il a été emporté par les eaux. Des inondations qui ont aussi des conséquences économiques. Des commerces détruits, des petites entreprises qui ne peuvent plus livrer. Dans le BTP, on s'inquiète pour le béton sur les chantiers parisiens. À cause de la crue de la Seine, les bateaux ne peuvent plus décharger leurs matériaux. Résultat, 60% des usines à béton qui sont sur les berges ne sont plus livrées en granulat. Un préjudice qui pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros. C'est en tout cas le chiffre que donne Arnaud Colson, le vice-président de l'Union nationale des industries carrières et matériaux de construction. Il faut savoir que 80% des usines de béton sont alimentées par voie d'eau. Et le jour où on ne peut plus alimenter pour une raison ou pour une autre, eh bien ça peut introduire soit la fermeture des usines de béton, ce qui est progressivement le cas aujourd'hui, puisque 60% des usines de béton qui sont implantées sur Paris sont aujourd'hui plus approvisionnées, donc sont quasiment à l'arrêt. Si les crues continuent, on peut penser qu'en milieu de semaine prochaine, la totalité des usines de béton seront arrêtées. Alors on peut substituer ça par des camions lorsqu'on peut accéder aux usines. Mais comme elles sont les pieds dans l'eau, parce qu'elles sont implantées sur les berges de la Seine, beaucoup d'entre elles sont en train de fermer et ne peuvent plus approvisionner les chantiers. Si on va jusqu'à lundi et qu'on suppose que toutes les usines sont à l'arrêt, on peut estimer à plusieurs millions d'euros le préjudice pour les fabricants de granulats et fabricants de béton prêt à l'emploi. Et l'autoroute A10, elle est toujours fermée au niveau du barrage de péage de Saint-Arnoux dans les Yvelines. 7h05 sur France Info, l'économie touchée par les inondations, par les grèves également qui continuent aujourd'hui. Et notamment à la SNCF, un mouvement à la fois contre la loi travail, mais surtout pour l'amélioration des conditions de travail. Mouvement qui dure depuis 3 jours maintenant, alors que ça s'est calmé à la RATP et dans l'aérien. Le gouvernement fait tout pour déminer secteur par secteur les conflits sociaux. D'ailleurs, Manuel Valls est plutôt serein. Julie-Marie Lecomte, vous êtes avec le Premier ministre qui est en déplacement à Athènes pour 24 heures. Hier, il s'est confié dans un entretien avec la presse française. Crier victoire serait absurde et déplacé, dit Manuel Valls. Il l'affirme, il n'oublie pas que cette loi nourrit encore l'inquiétude de beaucoup de Français, mais il ne cache pas non plus sa satisfaction. Selon lui, le climat s'est apaisé, il estime que l'on commence enfin à s'intéresser au fond du texte, il s'en réjouit et il réitère, la loi sera votée, il n'y aura ni retrait ni modification de l'article 2, tout au plus ce qu'il appelle des éclairages pour lever les craintes dans des secteurs d'activité spécifiques. On passe des étapes importantes, constate le Premier ministre, convaincu que reculer aurait sonné le glas pour toute réforme dans le pays. Céder devant la rue aurait marqué la victoire de la brutalité, c'est le terme qu'il emploie. À une semaine du coup d'envoi de l'euro, le chef du gouvernement affiche donc sa sérénité. Il faut encore toutefois régler le conflit à la SNCF. Sans vouloir s'exprimer sur l'avenir de son patron Guillaume Pépi, il promet des annonces sur la trajectoire financière de l'entreprise. Mais il faut aussi penser à la trajectoire financière de l'État, sourit-il. Il se donne jusqu'à lundi. À Athènes, Julie-Marie Lecomte, France Info. Et les prévisions de trafic à la SNCF, ce sont les mêmes qu'hier. Pour aujourd'hui, 60% des TGV vont circuler. Il y aura un TER sur deux et 40% de Transiliens. Des manifestations contre la loi travail, il y en avait encore hier dans plusieurs villes. À Rennes, des manifestants et des journalistes ont reçu des coups de matraque. Les policiers voulaient empêcher les manifestants d'accéder à la rocade. Le club de la presse de Rennes a décidé de saisir le défenseur des droits. Et puis à Saint-Malo, d'autres manifestants ont été blessés, mais cela avait une douzaine d'années seulement. Des collégiens qui étaient avec leurs profs et leurs parents pour protester contre la fermeture de leur collège. La police est intervenue pour ouvrir la grille de l'établissement. Il y a eu 11 blessés. 3 ont été emmenés à l'hôpital. Roland Garros maintenant, demandez le programme. Il est particulièrement chargé. 4 demi-finales en une seule journée. Les hommes, les femmes, tout le monde la même journée parce qu'avec la pluie, eh bien les matchs ont pris du retard. À partir de 13h, donc Serena Williams affronte Kiki Bertens pendant que Garbiñe Muguruza jouera contre Samantha Stosur. sûr. Et puis, pas avant 15h, Stan Wawrinka affronte Andy Murray, le tenant du titre. Sur le cours, Suzanne Lenglen, c'est Novak Djokovic qui joue, lui, contre Dominic Thiem. L'Autrichien va disputer sa première demi-finale en Grand Chelem. Et pour Henri Lecomte, le consultant tennis de France Info, son avenir s'annonce radieux. Dominic Thiem est un vrai talent, c'est un jeune joueur qui arrive, ça fait depuis quelques années qu'on le regarde un petit peu, son évolution de jeu, sa façon d'être sur le terrain et surtout sa progression qui est assez intéressante. Il faut pas oublier qu'il a pris quand même comme entraîneur Günther Bresnik, qui n'était aussi l'entraîneur de Boris Becker, qui était aussi l'entraîneur de Ernest Gulbis. Mais c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Il sert bien, il a un grand coup droit, il va vers l'avant. C'est vraiment l'avenir du tennis mondial. Rafael Nadal dit de lui, quand même, de Dominic Thiem, qu'il est capable de gagner un tour du Grand Chelem, de devenir numéro un mondial. Dominic Thiem a battu Rafael Nadal à Buenos Aires, sur terre battue. Sa progression est énorme. Le travail qu'il a accompli depuis ces dernières années est fantastique. Et il monte tout doucement en puissance. C'est pas simplement un ovni qui va faire peut-être un résultat à droite ou à gauche. Non, il monte en puissance. Il est peut-être capable de gagner Roland Garros cette année, on ne sait jamais. Donc, attention à ce Dominic Thiem, qui, en plus, a une belle gueule, beau mec, sympa. Il dégage quelque chose, c'est vraiment la nouvelle étoile montante du tennis masculin. Et le début des demi-finales femmes, aujourd'hui c'est donc à 13h. Et puis la pluie fait le bonheur des salles de cinéma. Le film d'Éric Lavenne avec Josiane Balasko, Retour chez ma mère, a attiré 124 000 spectateurs mercredi, le jour de sa sortie. C'est donc plus qu'Alice de l'autre côté du miroir, la nouvelle production de Disney qui a fait 87 000 entrées. Et puis Ils sont partout, le film d'Yvan Attal, lui n'a attiré que 20 000 personnes. C'était le journal d'Anne Pinkson-Dussel. France Info, 6h-9h. L'info revient à 10h. Retrouvez le notaire en direct sur la première, 02 62 99 2000 et préparez déjà vos petites questions. Vous pouvez aussi nous en laisser par SMS au 06 92 608 335. Ce vent qui va encore souffler sur le département et puis il faut bien se protéger pour ne pas tomber malade. Notons que les nuages seront bien présents dans les régions est et nord. Il y a de la pluie, soyez prudents sur le réseau routier. La grisaille va même toucher l'ouest de notre île et puis il nous sera très difficile d'observer les plus hauts sommets à cause de ce temps nuageux justement. N'attendez pas le dernier moment pour entamer des démarches chez le notaire. Il est fortement conseillé de les faire de son vivant, ces démarches, parce que pousser la porte du notaire pour une consultation, eh bien, vous savez quoi ? C'est totalement gratuite, la consultation. Alors n'hésitez pas. Et puis, ce qui est bien aussi sur la première, sur Réunion Première, c'est d'avoir dans ce studio un notaire qui, jusqu'à 10h, répond à toutes les questions. 02 62 99 2000. Vous souhaitez en savoir plus sur la donation partage ? Qu'appelle-t-on l'usufruit ? Garder la jouissance, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-il conseillé de réaliser un testament ? La famille peut-elle revenir sur ce testament ? 02 62 99 2000. Qu'en est-il des biens immobiliers, du contrat de mariage ? 02 62 99 2000. Les experts de Réunion Première, 0262 99 2000. Réunion Première. C'est pas tous les jours qu'il y a un notaire qui se déplace pour vous écouter et pour répondre à toutes les questions, évidemment, sur la première. Voici René Lacaille qui reprend une magnifique chanson de Daniel Warreau, Barmine, sur la première. Figurez comme un barmine, au détour mon boule maïs. Ce soir, mis à tir la mine de Simon, plat moins la pointe parmi. Bon, madame, la rôdée d'un fait noir, n'a pas trouvé mon aïe d'un fait noir. Papa vit ma maille d'un fait noir, j'ai été pauvre d'un fait noir. Dans le bidonville, dans le carreau galé qui est saignant. Mais pour gars, tu gagnes pas la bile si un jour tu bats de carré devant. Petit cal dans le bidonville, dans le carreau galé qui est saignant. Mais pour gars, tu gagnes pas la bile si un jour tu bats de carré devant. Bon, si t'écoutes pas tes gaillards, mon premier gars, son dit les noirs. Kafa ou Yaba ou un malba, nous les mal on va arrêter mon noir. Encore si t'écoutes pas tes gaillards, mon premier gars, son dit les noirs. Kafa ou Yaba ou un malba, nous les mal on va arrêter mon noir. Mais ça va la zol, mais ce moment n'a son fantôme. Partez, y a dessous un feuilletol, comme on braise de fait les couverts à la sonne. On t'a mis, mais ça va la zol, mais ce moment n'a son fantôme. Partez, y a dessous un feuilletol, comme on braise de fait les couverts à la sonne. Ça m'a mis boire pis le rond, mi gagne pas tes poteaux bout de piton. Vivez pis la misère un peu long, mi envoie sans enfant pis miton. Roulez! Comment ça ça donc? C'est Daniel Waro, c'est Daniel Waro. Barmine sur la première. Première 13e édition avec Réunion Première du 3 au 5 juin. Ce samedi, retrouvé en direct à 16h, Ça qu'il faut l'apéro, une émission radio et télé animée par Christelle Floricourt et Claudio. Et dès 19h, vibrez au son des concerts du Ça qu'il faut avec Tias, Coldspec, Kingfisher, Kiltir et Ropopo Rose. Retrouvez ce samedi les concerts du Ça qu'il faut 2016 avec toute l'équipe de Réunion Première. Retrouve l'effet pays au cœur du festival. L'effet pays, c'est Ça qu'il faut. Première 8h 10h Allô Première, Claude Montanet. Et vous êtes déjà très nombreux au standard. Vous avez votre petite question pour notre notaire, Maître Jérôme Sidney. Bonjour. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous jusqu'à 10h. Vous allez répondre aux questions des auditeurs de Réunion Première au 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335. Je regarde Brandon, nous irons alors, oui Brandon, Silaos, dans un instant nous irons sur Saint-Pierre. Et puis là maintenant c'est La Saline avec Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez Marie-Noël? Pardon? Comment vous allez ce matin? Ça va très bien, merci. Vous avez besoin d'informations. Oui. Le notaire est là, il vous écoute. Merci. Alors bonjour maître. Bonjour madame. Alors je suis propriétaire d'une maison. Oui. Et je suis divorcée et veuve. Et je voudrais savoir comment ça se passe pour les enfants. La part de monsieur pour les enfants. Alors, la maison aujourd'hui, vous êtes seul propriétaire de votre maison, c'est ça? Oui. Eh bien, la part des enfants, si vous êtes célibataire, si aujourd'hui vous êtes, si vous n'êtes plus, vous n'êtes pas remarié, le bien vous vivez seul, le bien vous appartient à vous seul. Eh bien, en cas de décès, c'est vos enfants qui héritent. Oui. Et est-ce qu'il y a, il faut voir un notaire, il faut faire les démarches, je ne sais pas comment faire. Alors, vous pouvez toujours prendre contact avec un notaire, effectivement, pour essayer de d'optimiser, si vous voulez, la transmission de votre bien, en voyant si c'est plus intéressant pour vous, compte tenu des abattements actuels, de donner le bien tout en gardant la jouissance, c'est-à-dire en ayant la possibilité de rester dans la maison ou c'est de ça, mettre... garder la jouissance, ça veut dire ça, hein ? Tout à fait. D'accord. Alors, on parle de garder l'usufruit ou garder la jouissance, oui, c'est la même chose. C'est la possibilité de profiter du bien en l'occupant ou en percevant les revenus dans le cas où il est loué. D'accord, donc, non, prenez contact avec un notaire de manière à étudier votre cas précisément et en particulier. Et puis, de cette manière, vous serez à même de choisir entre plusieurs solutions qui vous sont ouvertes, c'est-à-dire d'attendre qu'il arrive quelque chose, malheureusement, c'est-à-dire de ne pas organiser votre succession, chose qui n'est pas forcément idéale, puisqu'aujourd'hui, on dispose d'abattements pour transmettre les biens à ses enfants. On peut transmettre tous les 15 ans une valeur de 100 000 euros à chacun de ses enfants. On n'est pas sûr que dans les années qui viennent, ces abattements soient conservés les montants de ces abattements peuvent être augmentés ou diminués. Donc on sait qu'aujourd'hui, en transmettant, vous bénéficiez de cet abattement et niveau économie, c'est certainement plus sécuritaire. Alors oui, Marie-Noël ? Oui ? Voilà, pousser la porte du notaire, c'est gratuit la consultation. Hein. Voilà, ça, n'hésitez c'est... pas, beaucoup n'hésitez de gens pas, Marie-Noël. Ne le savent pas, ça. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ma question, c'était juste, est-ce que les enfants auraient quelque chose à payer à participer? Alors, de toutes les manières, que ce soit fait aujourd'hui ou en attendant qu'il vous arrive quelque chose, les enfants auront à payer le coût de la transmission. L'État prend des taxes sur la transmission des biens, c'est ce qu'on appelle les frais de succession. Oui. Et en vous organisant de votre vivant, généralement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus économique. D'accord. Marie-Noël, voilà. Merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie. Au revoir. Très bientôt. Au revoir et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. 8h. Allô Première, Claude Montanet. Nous sommes sur Saint-Pierre. Arnold, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour maître, bonjour à tout le monde au plateau. Voilà, j'aurais une question à poser au maître. Lorsqu'un notaire écrit que les parcelles vendues appartiennent à la commune suivant un décret du 17 décembre 1790, juste un an après la Révolution. Il n'y a pas de commune au niveau de l'île de la Réunion. Il n'y a pas de département. Elle est faite en 46. Ouais, alors attendez, Arnaud. Alors, j'essaie de comprendre là. Oui, voilà. Je m'explique autrement alors. S'il je vous plaît. Dire, le notaire a vendu un bien. Voilà, un bien a été vendu par un le bien notaire. A été vendu, oui. Et le notaire ne m'a pas contacté du tout. La personne ayant fait cette demande auprès du notaire n'est pas le propriétaire non plus. Alors, est-ce que vous avez votre acte de propriété ? Vous êtes titulaire de votre acte de propriété ? Ce n'est pas moi qui ai l'acte de propriété, c'est mon arrière-grand-père qui était propriétaire et qui a, sans faire les droits de succession, là, mon grand-père a hérité, mon père a hérité, je suis l'ayant droit de mon père. Et je découvre des choses depuis 2 ans, là. Alors, vous savez ce qui se passe ? C'est une situation un petit peu particulière, puisque du temps de votre arrière-grand-père... Ce n'est pas un cas isolé, là. Alors, ce n'est pas forcément un cas isolé. On peut avoir des situations... alors, vendre le bien de quelqu'un d'autre, c'est un peu... Enfin, c'est rare, mais ça peut arriver, puisqu'il y a à La Réunion une situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que le cadastre n'apparaît à La Réunion que dans les années 70-80. Oui. Et tous les actes qui étaient faits avant, on n'avait pas d'identification cadastrale dans les actes notariés. C'est-à-dire qu'on avait une parcelle de terrain à prendre à tel endroit, bornée à l'époque, on disait au levant, au couchant, à l'est, à l'ouest, enfin au nord, au sud, et si vous voulez, déterminer une parcelle peut paraître compliqué. Ce n'est pas parce qu'on est au niveau du cadastre enregistré avec un nom sur une parcelle qu'on en est propriétaire. Donc on est parfois confronté, nous les notaires, à une situation où on peut avoir, alors peut-être ce Arnold a-t-il raison, peut-être se trompe-t-il, de toutes les manières, ce qu'il faut dans cette situation-là, c'est entamer éventuellement, si vous pensez que votre terrain a été vendu, il faut entamer une procédure, mais en première chose, c'est il faut solutionner les problèmes de transmission, c'est-à-dire remonter au terrain de l'arrière-grand-père, essayer d'identifier cette parcelle. Aller chercher loin, là. Mais on est obligé, on n'a pas le choix. J'ai déjà cherché beaucoup de choses. Hein. J'ai trouvé la parcelle cadastrale avant les constructions de la CEMADER et la transformation de la recodification, si vous voulez bien. Oui, je comprends. De cette parcelle, tout en associant beaucoup de parcelles autour. Alors, de toutes les manières. Le jugement d'expropriation, etc. Mais il n'y a pas notre nom dedans. Ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est entamer une procédure judiciaire. On n'a pas le choix. Le notaire, par ses recherches, lui, vérifie que l'acte représente bien la propriété de la personne qui vend. Il y a un géomètre qui se déplace, en général, qui borne la parcelle. Donc, le notaire fait ses vérifications. Et si on n'a pas d'identification de la parcelle parce que les actes et la transmission n'a pas été faite depuis l'arrière-grand-père, eh bien au niveau du bureau des hypothèques qui centralise les titres de propriété, l'acte d'Arnold peut ne pas apparaître puisqu'il n'y a pas eu de transmission, il n'y a pas eu de transmission régulière. Donc pour les hypothèques, l'acte de propriété est toujours au nom de l'arrière-grand-père. Donc au nom de l'arrière-grand-père égale aucune identification cadastrale. Donc aujourd'hui, Arnold procède par une recherche, par une enquête qui peut s'avérer. Hein. Il peut avoir parfaitement raison, mais il peut aussi se tromper. Et pour ça, c'est le tribunal à Arnold d'apporter les preuves par rapport à tous les actes et les éléments qu'il a pour entamer une procédure et faire reconnaître son droit de propriété. Maintenant, le tort dans le cas d'Arnold, c'est la loi impose de faire la transmission des biens, de faire des actes notariés justement pour éviter ce problème. Et si l'acte de l'arrière-grand-père et les transmissions successives n'ont jamais été effectuées, eh bien c'est aussi ça qu'il faut s'empresser de faire le plus rapidement possible pour que Arnold soit effectivement titré. Alors, dans sa situation, il va falloir remonter sur tous les héritiers de l'arrière-grand-père, donc il faudra probablement être assisté d'un généalogiste. C'est quelque chose de laborieux. Ça va demander un travail de fourmi, là. Exactement. Mais c'est quelque chose qui peut valoir la peine, mais la contrepartie, c'est quelque chose qui coûte un peu de sous. Pour Arnold, il va devoir engager des frais pour solutionner tout ça. Arnold, voilà pour les renseignements. Merci beaucoup pour votre témoignage. D'accord. Merci maître, et bonne journée au plateau. Au revoir monsieur. À très bientôt. 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions à notre notaire maître Jérôme Sidney. Et puis par SMS au 06 92 608 335. Et puis vous parliez de géomètre tout à l'heure, lundi entre 9h et 10h. Il y aura un géomètre ici à votre place. Il répondra là aussi à toutes les questions. Voici Zao. Et puis juste après, on vient vous retrouver au standard de la première. Partir effacer sur le Gange la douleur. Pouvoir parler à un ange en douceur. Lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur. Au fond de lui un reste de lueur. L'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver? Chaque nuit le peuple danse en douceur. Croit qu'il peut exorciser la douleur. Puis lentement quitte les transes en douceur. Alors revient dans sa conscience sa douleur. Au fond de lui sent cette peur immense. De voir mourir ce sentiment d'amour intense. Qu'est-ce qui pourrait sauver la vie qui pourra en place. Zao, sauver l'amour sur Réunion Première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Vous souhaitez en savoir plus sur la donation partage? On peut parler de l'usufruit. Est-ce qu'il est conseillé de réaliser un testament? Et cette famille peut-elle revenir sur un testament? On en parlera aussi avec notre notaire qui est avec nous jusqu'à 10h. Et puis Marilyn de Saint-André qui est en direct sur la Première. Bonjour Marilyn. Oui, bonjour. Bonjour. Ben, ma question, c'est de savoir, voilà, aujourd'hui, au bout de 14 ans décès de ma belle-mère, on apprend que le dernier fils, la maman lui a donné tout le bien, la maison, le terrain et tout. Sans l'accord des autres enfants, est-ce que c'est possible? Sans l'accord des enfants. Là, vous parlez de votre belle-mère. Oui. Votre belle-mère, qui est décédée. Oui. Ouais. Oui, maître. Alors, je résume un petit peu la situation. Donc, votre belle-mère est décédée il y a 14 ans, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que le terrain a été donné à un seul enfant? Oui, justement, c'est lui qui a informé aux autres frères et sœurs. Alors, disant que tout le terrain et la maison est à lui. Alors, il y a deux situations dans votre cas, madame. Ouais. Soit vous allez pouvoir bénéficier d'une procédure, c'est votre époux hein, qui va pouvoir entamer une procédure en tant qu'héritier. La loi, normalement, prévoit que les enfants ont une part dans la succession de leurs parents, obligatoirement. On appelle ça la réserve héréditaire. Et si les parents... La réserve héréditaire, c'est la part de succession qui est impérativement réservée aux enfants. Et dans la situation de madame, si le bien qui composait le patrimoine de succession a été transmis à un seul enfant, bien on a une procédure qui peut être entamée qui s'appelle une action en réduction qui vise à demander à l'héritier qui a reçu la totalité de verser ou une partie du bien, de rendre une partie du bien ou de verser un chèque à ses co-héritiers. Sauf qu'on a des délais pour entamer cette action. Il y a des prescriptions, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on peut agir ou ne pas agir. Si effectivement ça fait 14 ans que le décès a été prononcé, il faut prendre contact avec un avocat ou avec un notaire dans un premier temps pour étudier la possibilité de cette action en réduction. Il va falloir entamer donc des... Il va falloir entamer une procédure. Et est-ce qu'on est touché par la prescription ou non? La situation doit être analysée au plus précis pour savoir si le mari de madame est en mesure de faire une procédure ou pas. Marilyn. De toute façon, il n'est pas tout seul, il a d'autres frères et sœurs. Oui, mais il faudra forcément qu'un des enfants ou tous les enfants entament une procédure. Ce n'est pas quelque chose qui va être automatique. Il faut une démarche de l'un des héritiers, c'est-à-dire de votre mari et de ses frères et sœurs, ou simplement de votre mari, pour entamer cette procédure. La procédure peut être entamée par un ou plusieurs héritiers. Oui, mais je précise aussi que le terrain était à la belle-mère seule. Hein? Peu importe, madame. Si elle est décédée, elle ne pouvait pas donner ses biens à un seul enfant. Un seul enfant, en déshéritant les autres. Exactement. Hein. Voilà. En donnant ce n'est pas légal. En donnant un seul enfant, on déshérite les autres. En donnant le seul bien de succession, on déshérite les autres enfants. Donc, on peut avantager un enfant. On peut donner un seul bien de succession à tous les enfants, mais il faut que tous les héritiers soient d'accord. Mais à condition que les héritiers soient d'accord. Aujourd'hui, il est possible de procéder de cette manière. À l'époque du décès de la belle-mère de madame, ce n'était pas possible. Donc, il faut voir si une procédure peut être entamée. Il ne faut pas perdre de temps pour entamer cette procédure si elle est possible. Marilyn, le mot à retenir, ne perdez pas de temps. Voilà, ça c'est important. Contactez votre notaire. On a déjà perdu parce que lui, au fait, c'est aujourd'hui seulement qu'il dit qu'il a l'acte du terrain et de la maison. Oui, mais peu importe, madame. Ce qui est étonnant dans votre histoire, quand même, c'est que les enfants savaient bien que la belle-mère, enfin leur maman, était propriétaire d'un terrain, et que normalement, vous savez qu'on a des obligations de s'occuper d'une succession dans les 6 mois du décès de la personne. Donc, oui, si vous n'avez rien fait à l'époque, il ne faut pas traîner pour justement éviter d'avoir à subir une prescription et de ne plus pouvoir agir pour récupérer quelque chose. D'accord. Merci. Oui, Marine, on va aller très beaucoup. Vite. Merci à vous. À bientôt sur la première. 8h, 10h. Allô, première, Claude Montanet. Georgina de la Plaine des Coffres, bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est pour une question, comme pareil, comme la dame qui vient de passer actuellement, mais la mienne est un peu différente. Allez-y, madame. Est-ce que c'est différent et plus compliqué? Peut-être, oui, je crois bien. Alors, moi, je suis la belle-fille. Oui. Ma belle-mère était chez moi, elle est décédée l'année dernière, 7 novembre, oui, d'un cancer. Bon, elle avait 90 ans. Alors, elle avait un terrain qu'elle a acheté, elle et son mari, quand son mari était vivant. Oui. Elle a acheté un terrain, mon mari était en France, et il y avait, ma belle-mère avait 3 garçons, le 2 était en France, mon mari et l'autre frère. Oui. L'autre est décédé, je crois que ça date de 4 ans. Mais le terrain que ma belle-mère a acheté, le terrain, elle disait tout le temps, elle me disait avec moi, même dans sa maladie, sur son lit de mort, elle me disait que quand son mari était là, elle a acheté le terrain, elle a mis sur le nom d'un seul garçon, le dernier. Oui. Aujourd'hui, il a 53 ans, le dernier. Oui. Mais le problème, ma belle-mère habitait ensemble, elle avait la jouissance sur le terrain. Un jour, elle a donné la jouissance à son garçon. Peut-être ça date de 10 ou 15 ans, je ne sais pas. Mais le terrain, on dirait, acheté dans les années 50 ou 60, je ne sais pas. J'étais pas à La Réunion. Oui. Mais le problème, un bon jour, le garçon a mis ma belle-mère à la porte. Et ma belle-mère, elle est venue habiter chez nous depuis 2009. Et maintenant, elle est décédée, et à chaque fois, elle disait que le terrain acheté, elle a mis sur le nom d'un seul garçon. Est-ce possible? Parce que, comme j'ai parlé avec mon mari, comme sa maman est décédée, je crois que ça date de 5 mois ou 6 mois qu'elle est décédée chez nous, et nous, on loue une maison. Est-ce possible qu'on y va voir un notaire, mon mari? Comme lui, il est divorcé avec son ex-femme, maintenant il est remarié. Mais est-ce qu'on a le droit, mon mari, d'aller chez un notaire pour voir est-ce que vraiment le terrain a mis sur le nom de son frère? Tout ça parce qu'il n'y a personne qui a jamais vu l'arc du terrain. Est-ce possible? Patiente au standard de la première, Thierry de la Saline. Alors, maître, est-ce possible? La question est simple. C'est de la part de Georgina, donc elle exposait la situation à l'instant. Alors Georgina peut tout à fait se rendre chez un notaire, au contraire il faut se rendre chez le notaire pour avoir, oui, lorsqu'on a des questions, il ne faut pas hésiter à aller voir le notaire pour lui poser. Oui. Dans votre situation, il faut vérifier s'il vous plaît et trouver le numéro de cadastre de la parcelle concernée. D'accord. Oui. Et avec ça, le notaire sera à même de demander un document que vous devrez payer, hein, qu'il faut compter une quinzaine ou une vingtaine d'euros, oui, demandera au bureau des hypothèques au nom de qui est ce terrain et s'il existe un acte de propriété sur ce terrain pour vérifier que le terrain ne soit pas au nom de votre belle-mère. Si, oui, le terrain est au nom de l'un des enfants, c'est que l'enfant est censé avoir acheté le terrain. Donc alors après, vous pouvez toujours essayer d'entamer une procédure pour dire que les fonds avaient été donnés par la maman, mais prouver que ça s'est passé comme ça dans les années 60, ça fait plus de 50 ans, oui, c'est un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez le notaire pour, oui, pour poser vos questions, oui, vérifier cet acte au nom de qui est le terrain, et, oui, puis vous en saurez plus à ce moment-là. D'accord. D'accord, parce que nous, c'est ça que j'aimerais bien savoir, parce que j'ai parlé avec mon mari. Mon mari me dit de laisser tomber. Et tout le monde disait non, parce que mon mari a des enfants, l'autre en France, il a ses enfants. Mais madame, ce qu'il faut que vous compreniez bien, le terrain peut être au nom d'un des enfants qui peut avoir payé le morceau de terrain. Vous ne pourrez recevoir quelque chose naturellement, sans procédure, que si le terrain est au nom de votre belle-mère. Si le terrain, oui, est au nom de quelqu'un d'autre, oui, il faut prouver que les fonds utilisés ont été donnés par la belle-mère pour pouvoir espérer, au terme d'une procédure, récupérer quelque chose. Oui. sans aucune garantie. Oui, voilà, rendez-vous chez le notaire. Prenez un rendez-vous chez votre notaire, vérifiez ça, vérifiez au nom de qui est l'acte, et ensuite vous peserez le pour et le contre d'une éventuelle procédure. Voilà, d'accord. Georgina. Oui, ok, merci beaucoup. Mais alors, une petite dernière question. Mais si le terrain est pour ma belle-mère, si c'était assez entre mari et femme, est-ce qu'ils ont le droit de mettre, comme ils ont trois enfants, de mettre le nom d'un seul enfant? Non. Si le terrain était au nom des parents et qu'il y a un acte de donation qui a été effectué, ben c'est la même situation que l'auditrice précédente. Vous êtes en droit de demander à l'héritier qui a eu plus que les autres, qui a eu la totalité des biens, de reverser quelque chose à votre mari. D'accord. Et son frère décédé en France aussi, il a le droit. Alors, son frère avait des enfants ? Oui. Eh bien, les enfants du frère décédé viendront ce que l'on appelle en représentation de leur papa, c'est-à-dire qu'ils viendront pour récupérer les droits de leur père. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, merci à vous. À très bientôt sur la première. Il reste 10 minutes pour joindre Brandon au 02 62 99 2000. Maître Jérôme Sidney est avec nous. Avant de partir à la Saline, Maître, on l'entend souvent dans la bouche des auditeurs et notamment dans les familles réunionnaises. Ah, laisse tomber. Ou ça pas bataille pour un morceau terrain, etc. etc. Oui. Alors, la situation, dans de nombreux cas, les partages familiaux n'ont pas été effectués du temps de l'arrière-grand-père ou du grand-père. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut l'accord de tous les héritiers ou des descendants de ces mêmes héritiers. C'est-à-dire que si l'arrière-grand-père, comme l'auditeur précédent, si l'arrière-grand-père était titulaire d'un acte, eh bien, l'arrière-grand-père a transmis aux grands-parents, mais aux grands-oncles et grands-tantes. Donc souvent, les familles réunionnaises à cette époque étaient nombreuses. Donc il faut retrouver toutes les branches, il faut retrouver tous les héritiers. Ces héritiers, lorsqu'ils sont eux-mêmes décédés, il faut retrouver leurs héritiers. Donc on se retrouve dans des cas avec parfois 50, 60, 80 personnes. C'est le travail du généalogiste de retrouver tous ces héritiers. Ça a un coût. Et très, très souvent, les familles ne veulent pas, parce qu'installées sur le terrain, ça pourrait créer des problèmes et être plus compliqué au final de résoudre que de laisser la situation comme elle est. Nous répondrons à toutes vos questions sur la première, 02 62 99 2000. Thierry, bonjour. Bonjour Claude, bonjour Maître. Bonjour. Sur la première. Voilà, j'ai une petite question pour me mettre... Allez-y. Comme j'habite dans une maison à la Saline, oui. Mon cas, c'est on est des plusieurs héritiers dessus. Mais tous les héritiers sont mariés, ils ont un bien particulier à eux. Mais cette maison que j'occupe, c'est abandonné, ça fait plus de 20 ans. Donc, il y a les impôts qui n'étaient pas payés, les fonciers, tout ça. Et donc, moi, je voudrais poser la question. Comme moi, Mika m'y habite dedans maintenant, c'est moi qui ai l'occupation des sols. Et comme je suis allé au hôtel des impôts pour mettre le foncier à mon nom, vous avez régularisé la situation, en fait, hein, c'est ça hein. Ouais, non. presque tout à fait. Presque. Mais on dirait mon cas, il y a beaucoup de personnes comme moi, je suis sûr qu'ils ont des cas comme ça. Alors, allez-y, oui. Tout à fait, vous êtes dans un cas qui se éclairez rencontre nous, s'il vous plaît. Régulièrement. Un des héritiers occupe le bien familial. Oui. Et n'est pas forcément ouvert pour reverser ou partager le bien avec les autres cohéritiers qui eux-mêmes ne sont pas spécialement motivés pour entamer une procédure. Il faut savoir. Mais la question que je voulais poser. Et alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce qu'on appelle une indivision, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs héritiers suite au décès des parents propriétaires d'un bien immobilier, donc chacun a sa part. Ouais. Il faut résoudre le problème puisqu'à chaque décès. À chaque décès de vos frères et sœurs, ce sont vos neveux et nièces qui vont devenir propriétaires de cette quote-part, qui, eux, d'accord, peuvent vous demander quelque chose. Et il faut savoir que dans la situation de monsieur, quand on est en indivision, on a deux solutions. Soit on réussit à faire un partage amiable, c'est-à-dire que l'héritier qui récupère la parcelle verse une somme d'argent, une petite somme d'argent ou une grosse somme d'argent, suivant la valeur du terrain, à ses frères et sœurs. Et ensuite, il a son acte, à son nom. On a déjà fait l'évaluation du terrain et de la maison, tout ça. Donc, ça a coûté un max. Ouais, bah, j'imagine. Mais en attendant, pour vous être tranquille, vous n'avez pas le choix donc, de passer par cette procédure de partage amiable qui va se faire chez le notaire. S'il n'y a pas d'entente, il faut savoir que vos frères et sœurs ou vos neveux et nièces, s'il arrive quelque chose à vos frères et sœurs, seront à même d'entamer ce que l'on appelle une procédure de partage judiciaire, c'est-à-dire aller au tribunal et demander au tribunal de procéder au partage du bien. Et il faut savoir que cette procédure au tribunal, lorsque l'on ne réussit pas à avoir un partage amiable, cette procédure au tribunal peut se terminer par une vente aux enchères du bien. Donc l'intérêt vraiment de monsieur, c'est de tenter du vivant de ses frères et sœurs. Si tout le monde est d'accord pour le partage, mais il faut s'organiser aujourd'hui pour faire le partage et vous permettre d'avoir un acte qui soit inattaquable. Mais finalement, comme il y avait 20 ans, presque 25 ans, les impôts n'étaient pas payés. Comme j'ai fait la... j'étais allé chez le notaire pour faire la succession. Oui. Ce qui est resté derrière, le notaire a retiré tous les frais, les charges des dossiers, tout ça. Oui. Et puis par la suite, ils ont eu quand même leur partage au niveau de l'argent qui était bloqué. Mais donc je ne comprends pas. Vous avez un acte au final, vous avez signé l'acte de succession et le partage déjà? Oui, j'ai fait ça. Tout le monde a fait chez le notaire à Saint-Paul. Et le dossier, maintenant, s'est transféré sur Saint-Denis. Oui. Avec le notaire, Madame Vernage, je crois. C'est pas la même de noter, oui. Peu importe le nom, c'est chez un notaire. Oui. Ce qu'il faut, dans ce cas-là, c'est prendre contact avec le notaire et lui demander d'activer le dossier. Mais dans votre situation, pour avoir été confronté à des choses similaires, il y a peut-être et sûrement l'un des héritiers qui n'est pas d'accord ou qui ne veut pas signer. Et dans ce cas, monsieur, vous n'aurez pas le choix que de passer par le tribunal pour faire un partage judiciaire. Et il faut le faire rapidement pour que vous puissiez avoir un acte notarié. Donc, le notaire en charge du dossier va devoir convoquer les héritiers. Finalement, j'habite dedans, il y a ces gens déjà, et donc c'est moi qui paye les impôts. Peu importe, si vous payez les impôts, en fait, vous payez les impôts pour la succession, et si vous avez quelque chose à reverser à vos frères et sœurs, eh bien, les impôts que vous avez payés pour le compte de vos frères et sœurs seront déduits de ce que vous avez à leur verser aujourd'hui. Je voulais savoir aussi. Bien sûr. Voilà. D'accord. C'est bon, Thierry ? Ok, je vais faire tout mon nécessaire. Faites le nécessaire. Ne traînez pas. Surtout, ne traînez pas. Il y a urgence, d'accord. Oui. Non, il n'y a pas urgence, mais plus on a un lien de famille rapproché, c'est-à-dire plus on fait le partage avec ses frères et sœurs, moins ça va être compliqué. Plus vous allez attendre les décès, malheureusement, on n'est pas immortel, donc on décède forcément un jour, et ce sont les enfants, donc les neveux et nièces de monsieur qui vont prendre la place de leurs parents, et c'est plus compliqué de négocier avec 3-4 personnes qu'avec une. En fin de compte, de gagner au loto, c'est plus facile de régulariser. Alors oui, vous avez aussi toujours la solution de gagner au loto. Ben voilà. C'est aussi une possibilité. C'est pas mal. Voilà, c'est sûr. Thierry, une sur mille. Voilà. Je croise les doigts pour vous. Faites le maximum. Merci pour les informations. Je vous remercie beaucoup. Allez, on va. Allez, merci Thierry. 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions à notre notaire sur la première. 12h, 13h. Les prix, le logement, l'emploi. Il y a un manque de volonté de la part des jeunes. La sécurité, la santé, l'aménagement du territoire ou encore le tourisme. Et les cons, quoi, tout le monde sait se truquer à la Réunion. Ce n'est pas normal. L'actualité réunionnaise analysée de 12h15 à 12h45 avec nos invités et vos questions pendant une demi-heure au moment du déjeuner. C'est dans l'actu sur Réunion Première. 8h. 10h. Allô Première, Claude Montané. La question de notre auditeur qui n'a pas signé son message par SMS. Je suis propriétaire d'un terrain par donation de maman. J'ai une maison donc construite par la suite. On est deux enfants. Il y a mon frère qui va prendre donc sa part. Alors, il nous dit, il y a la maison de mes parents, mais il y a la maison de mes parents. Et qui possédera la jouissance sur la maison? Et ma question est, comme mon frère reçoit la maison et moi le terrain, n'y a-t-il pas une différence de valeur qui devrait me revenir, maître? Alors, dans le cas de monsieur, le notaire en charge du dossier va valoriser, va faire une évaluation du bien immobilier sur lequel la maison se trouve. On va avoir une valeur du bien en pleine propriété. Cette maison va être donnée sous réserve de la jouissance des parents. C'est-à-dire que les parents vont garder l'usufruit de la maison. Les parents gardent, oui. Cet usufruit a une certaine valeur en fonction de l'âge des parents. On va donc, pour calculer la part de chacun, prendre d'un côté la valeur du terrain donné aux frères en pleine propriété et de l'autre la valeur de la maison, déduction faite de l'usufruit des parents. Oui. C'est-à-dire que les parents vont donner ce que l'on appelle la nue propriété. Et il va falloir vérifier que la nue propriété soit égale à la valeur du terrain nu donné en pleine propriété. C'est un petit peu compliqué, mais il faudra que la personne prenne contact avec son notaire pour que ce soit expliqué plus clairement qu'à la radio. Ouais. Mais grosso modo, en fait, on vérifie que ce qui est donné, c'est-à-dire le bien moins l'usufruit des parents, correspondent à la valeur du terrain donné sans usufruit réservé par les parents. Parfois, l'impression des enfants dans ce genre de situation, c'est pas équitable. Pourquoi il a eu plus, pourquoi moi j'en aurais moins, etc. Enfin, alors, c'est un peu le discours que l'on tient. Oui. Au moment de la donation, il n'y a pas de différence. Puisque les parents gardant la jouissance, l'enfant qui reçoit la maison n'a pas l'usage de cette maison. C'est les parents qui l'utilisent. Alors, n'ayant pas l'usage, la valeur transmise correspond à la valeur du bien sans qu'on puisse l'utiliser. Donc, il ne correspond pas à la même valeur que le terrain nu. C'est pas parce que les parents donnent la maison à l'enfant, mais tout en gardant la jouissance, que l'enfant va profiter de la maison tout de suite. Donc, s'il ne profite pas de la maison tout de suite, ça va être différent de l'enfant qui, recevant le terrain sans l'usufruit des parents, va pouvoir construire, va pouvoir habiter et va pouvoir profiter tout de suite du bien. Donc, ce différentiel, il est légal, mais il n'est pas vraiment différent. Nous retournons au standard sur la première. Frédéric de Saint-Paul. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Maître, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Oui, c'est pas un petit renseignement, mais on va dire un grand renseignement. Un tout petit renseignement alors. Oui, voilà. En fin de compte, ben, nous, on a un gros problème. C'est pour un terrain bavois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu. Non, ce n'est pas la peine de citer des noms. Oui, posez juste votre question au notaire. Oui. Bon, ben voilà, je voulais savoir. Bon, il est en tout, parce que bon, c'est dans les mains d'un monsieur, d'un certain monsieur, soi-disant. Mais ce monsieur-là ne veut plus nous donner de nouvelles. Voilà. Donc, on ne sait plus comment il faut faire, vers qui s'adresser. Parce que bon, nous aussi, on aimerait bien jurer un peu de nos parcelles, soi-disant. Donc, voilà. Donc, il y a un différent, c'est ça, hein? Oui, voilà. Il y a un différent, donc ça concerne une famille. Donc, c'est une famille qui doit être propriétaire de terrain, qui, pour les partager, ne s'entend pas forcément. Voilà. Si, au contraire. Vous vous entendez maintenant, ça peut être un problème d'acte de propriété, comme on l'évoquait tout à l'heure. Vous pouvez avoir un acte de propriété ancien, les personnes peuvent avoir du mal à délimiter, à trouver leur parcelle, Et dans ces situations-là, on n'a guère d'autre choix que d'entamer des procédures. Alors après, je ne sais pas ce qu'il en est pour ce monsieur-là, mais on peut être dans des situations où la complexité du partage, des actes anciens, ne permettent pas de résoudre la solution facilement. Au fait, je peux vous dire un petit truc. Au fait, nous, on a vu un monsieur qui a fait plusieurs réunions avec nous, oui. Mais après, il a pris tous les héritiers qu'il y avait. Tout, hein, on a tout rassemblé, ouais. Mais après, quand il a eu tout ça, mais maintenant, il ne veut plus nous donner de réponse. Il raccroche, il ne veut plus entendre parler de la famille, en fait, et nos papiers sont avec lui, en fait. Il faut récupérer impérativement vos papiers, ça, il n'y a pas le choix. C'est un généalogie, on dit, qui recherche tous les racines, là. Mais quand il a eu tous nos papiers, et maintenant, du coup, il ne veut plus entendre parler. Il faut faire une procédure au tribunal pour qu'il rende les documents, si vous avez des documents à récupérer. Et après, il faut prendre qu'il y a des gens qui occupent les terrains aussi, mais nous, comment on peut faire, nous ? Alors, dans votre situation, c'est une situation qui me semble compliquée. Vous n'aurez pas le choix que de passer par des procédures judiciaires qui vont vous demander d'engager des frais et qui coûteront un petit peu de sous. Quoi. Ah, il n'y a pas de souci, mais on voit ça avec qui, Matt, s'il vous plaît ? Il faudrait voir un avocat. Un avocat ? Oui. Ah, d'accord. Merci Il faut prendre vous avez un bureau quelque part, Matt, s'il vous plaît ? Alors, oui, moi j'ai un bureau quelque part, mais le but n'est pas que vous veniez me voir. Le but de l'émission est de vous renseigner. Maintenant, prenez contact avec un avocat si la situation est difficile. Le notaire étant chargé de résoudre à l'amiable les dossiers, s'il y a lieu de procédure, c'est un avocat qu'il faut voir. D'accord. Merci. Voilà, voilà monsieur. Merci, merci à vous. À bientôt sur la première. Alors, une question par SMS. Ça concerne un terrain agricole. Donc, on doit faire la demande pour le déclassement du terrain. Quels sont les démarches à faire, s'il vous plaît, voilà, est-ce qu'il faut voir au niveau des impôts et les frais? Voilà, si l'on peut répondre à l'auditeur, maître. Alors, un terrain agricole, par définition, n'est pas constructible. Pour le rendre constructible, il faut faire ce que l'on appelle une procédure de déclassement. Alors, qu'est-ce que c'est le déclassement? C'est, sur une commune, vous avez une règle qui classe les terrains en zone agricole, en zone constructible, en zone futurement, en zone qui seront dans le futur constructible. Oui, ouais. C'est la commune qui organise ce que l'on appelle le plan local d'urbanisme. Et c'est la commune qui va être en mesure de déclasser des terrains. Ce n'est pas les impôts, ce ne sont pas les impôts qui vont déclasser le terrain, c'est la commune qui, en changeant la réglementation d'une zone agricole, alors après autorisation de la préfecture, il faut respecter ce qu'on appelle le SAR, le schéma d'aménagement régional, enfin il y a tout un tas de règles à respecter, et c'est la procédure, c'est la commune qui procède au déclassement du terrain. Une fois que le terrain est déclassé, quand le terrain agricole est devenu constructible, il y a des taxes à payer lorsqu'on le vend. D'accord, plusieurs taxes. Il y a la plus-value, c'est-à-dire l'impôt prélevé par l'État si on vend le terrain et que l'on n'est pas propriétaire depuis plus de 30 ans. Et il y a ce que l'on appelle la taxe de déclassement, qui est une taxe versée à la commune pour amener les réseaux, que ce soit la route, l'eau, l'électricité, etc. Oui, et pour pas que ce soit tous les gens de la commune qui payent la viabilisation d'une parcelle. Donc c'est une taxe qui est prélevée sur le terrain qui devient constructible et qui est vendu. Et puis il y a encore une taxe qui est la taxe d'installation des jeunes agriculteurs pour les terrains qui sont déclassés depuis 2010. Ça, il faut étudier la situation avec le notaire qui sera en mesure de calculer ces différentes taxes. Mais tant que le terrain n'est pas déclassé par la commune, le terrain n'est pas constructible. Et c'est vraiment la commune seule qui déclasse le terrain. Tant qu'il n'est pas déclassé, on ne pourra pas faire grand-chose. Jean-Noël de Sainte-Suzanne, alors peut-on être considéré comme propriétaire de la maison si on garde l'usufruit? Alors tout à fait, lorsqu'on a l'usufruit d'un bien, on est titulaire de ce que l'on appelle un droit réel. Ce droit réel vous permet d'occuper la maison, mais également de mettre des locataires et de toucher les loyers. Donc de louer Exactement. Très bien, d'accord. Exactement, okay. C'est ce qu'on appelle l'usufruit, c'est la possibilité de profiter du bien. Alors, un petit conseil aussi pour les auditeurs, maître. C'est vrai qu'on a tendance à dire on va laisser tomber, on va revenir là-dessus parce que c'est important. C'est ne laissez pas tomber parce qu'il y a peut-être. Bien sûr. Parfois. Il faut savoir que tous les problèmes juridiques qui sont rencontrés les dossiers doivent être résolus le plus rapidement possible, sans urgence, mais il faut faire les choses dans les règles. Aujourd'hui, de son vivant, c'est pour ça qu'on le dit toujours. De son vivant, oui, tout à fait, de son vivant. Un, parce que quand on transmet ses biens, par exemple, de son vivant, eh bien, on bénéficie des taxes et des abattements, surtout on bénéficie des abattements pour la transmission au moment où on transmet les biens. On n'est pas en mesure de certifier qu'aujourd'hui, cet abattement de 100 000 euros tous les 15 ans qui existe, dans 10 ans, sera toujours applicable. Il aura peut-être diminué, il aura peut-être augmenté, on ne sait pas. De la même manière que plus le terrain va prendre de la valeur, plus ça va coûter d'argent. Comme je l'expliquais également tout à l'heure, plus il va y avoir de décès dans une famille sans que les terrains ne soient partagés, plus la situation va être compliquée. Avant d'aller rejoindre Prisca à Saint-André pour sa chronique donc Marché Forain, petite dernière, mes parents sont propriétaires d'un terrain d'une maison et d'une maison, propriétaires d'un terrain et d'une maison, ils ont l'intention de faire une donation pour un de mes frères, on est 7 dans la famille, faut-il la signature de chaque enfant pour cette donation? Alors, pour l'acte de donation, il n'y a pas besoin de la signature des 7 enfants, c'est-à-dire que un parent, vous comme moi, pouvons donner un bien sans avoir de compte à rendre à nos enfants. On fait ce qu'on veut de nos biens. Vous le vendez, vous le donnez, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, au moment du décès des parents qui vont avoir donné le bien, on va vérifier, le notaire en charge de la succession va vérifier que la réserve des frères et sœurs a bien été respectée. Comme je l'expliquais avec un auditeur précédemment, si un seul des enfants a reçu tous les biens, alors il s'expose à ce que l'on appelle une action en réduction et il devra reverser aux frères et sœurs la part à laquelle ils auraient normalement droit. Maître Jérôme Sidney, notaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la première. Merci Claude. À très bientôt. Direction Saint-André pour retrouver notre animatrice Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca, bonjour. Alors, est-ce qu'il pleut à Saint-André ce matin? Bonjour Claude, bah, écoutez, il vaut mieux garder son parapluie dans son sac hein, si vous venez nous rejoindre sur le marché forain de Saint-André. Il y a une accalmie là, à l'heure où je vous parle. Bon, il y a du vent et je vous donne quelques indications par rapport à l'endroit où je me trouve parce que vous savez qu'il y a un panier garni à gagner. On vous attend ici, le panier est rempli de fruits et de légumes. Le mot de passe c'est Tom Pouce. Est-ce que vous savez ce que c'est que Tom Pouce, Claude? Ben, c'est une variété de bread choutine qui est tout petit. C'est ça, en fait. C'est les petits paquets de bread. Oui, absolument. Tom Pouce, on l'appelle. Ouais. Exact. Ouais. Ça a du goût. Hein. C'est très bon. Ça se cuisine comme le bread choutine. Donc le mot de passe, c'est Tom Pouce. Et je vous donne l'indication parce que vous savez que le marché forain de Saint-André, c'est très grand. Alors moi, je me trouve au niveau du CCAS de Saint-André, dans ce bâtiment. Au sous-sol, donc vous avez les bureaux de la mairie, et à l'étage, il y a la salle des fêtes. C'est ça, Yvon ? C'est ça, oui. Voilà, j'ai bien donné les indications ? Parfait. On va pouvoir me retrouver ? Oui. Alors, Yvon, ben, pourquoi est-ce que vous avez la main sur ce grillage-là ? Il y a des grillages devant, Yvon, il y a des poules et des coqs. Oui. Oui, vous en avez ramené combien sur le marché forain ? Une trentaine, mais je ne vends pas du tout. Aïe, aïe, aïe, ben, pourquoi ils ne vendent pas ? Ben, c'est peut-être pas le temps. Ah, bon, les gens, ils n'ont pas envie de manger de viande hein, ce vendredi. Oui, ils ont mangé tout pour la fête des mères. Voilà. Donc, pas trop de ventes hein, pour les poules. Par contre, vous avez vendu des songes, puisque vous vendez également des fruits et des légumes avec madame. Oui, ça va un peu. Ça va. Qu'est-ce que vous avez le plus vendu là depuis ce matin? Les songes et clémentines. Les songes et les clémentines. Ouais. C'est vrai que c'est la saison des agrumes là en ce moment sur le marché de Saint-André. Oui. C'est le moment, mes amis, Claude, de vous faire de bons jus de Tangor, d'orange Thompson et puis de mandarine, hein, puisque c'est la saison, puis ça coûte pas cher du tout. Ça a 1 euro le kilo de Tangor, par exemple. Et juste en face, je vois que bon, il a rajouté 50 centimes, mais là, c'est normal parce que c'est un peu plus gros. Oui, ce sont des oranges. Non, c'est les pomelos. Ah, c'est pomelos. Donc, c'est un petit peu plus gros. Oui, oui. Mais sinon, orange pays, mandarine, c'est à 1 euro hein, sur tous les marchés de la Réunion. Vous avez de belles salades en ce moment, pareil, 50 centimes, 70 centimes. Il y a notamment plusieurs variétés, hein, comme la reine des glaces. Donc, venez faire votre marché ici du côté de Saint-André. Mais si vous êtes dans l'Ouest, il y a aussi le marché aujourd'hui, puisque c'est le marché forain du côté de Saint-Paul, l'un des plus grands marchés de la Réunion, puisque le marché forain de Saint-Paul, c'est le vendredi et le samedi. Allez, moi, je vous attends sur Saint-André. Nous sommes donc pas très loin de la salle des fêtes, avec votre panier garni. Venez nous rejoindre avec le mot de passe. C'est Bread Tom Pouce avec Réunion Première. Bonne chance. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Lionel Olivier, c'est encore mieux en première et c'est encore mieux puisque c'est aujourd'hui vendredi. Absolument. Bonjour Claude. Bonjour à toutes et à tous. C'est sous la pluie. En plus, sur le chef-lieu de l'autre côté de l'île, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est parti pour dans quelques minutes après le journal de France Info avec les petites annonces et le meilleur de la musique, forcément, dans C'est encore mieux en première. Il est 10h. C'est le sac qu'il faut aujourd'hui. Jusqu'à dimanche avec Réunion Première. C'est l'événement, évidemment, de ce mois de juin. Voici le journal de France Info. Les inondations se concentrent en Île-de-France désormais. Nous serons en direct avec nos reporters à Paris et dans le Val-de-Marne dans quelques instants. La une également ce matin, l'affaire Denis Baupin et après les témoignages dans la presse, voici les premières plaintes devant la justice. Le Parti communiste déroule aujourd'hui le tapis rouge pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité au congrès des communistes. Et puis le retour en France à Metz aujourd'hui des Bleus du foot, avant demain le dernier match de préparation des Français pour l'Euro. France Info. Et pour commencer Aurélien, ces inondations qui se concentrent désormais en Île-de-France. Et depuis le début des intempéries, 20 000 habitants ont été évacués. Il y a eu 16 000 interventions des pompiers. Les chiffres, vous l'entendez, sont éloquents. C'est pourquoi les équipes de France Info sont mobilisées toute la matinée auprès des sinistrés et des équipes de secours. Tout d'abord, direction Paris. Jérôme Jadot, on vous suit depuis ce matin dans les rues de la capitale. Là, vous êtes, Jérôme, devant le musée du Louvre qui sera fermé toute la journée. Ouais, devant la pyramide du Louvre, dont les portes sont donc closes et qui vont donc le rester toute la journée. Dès 9h tout à l'heure, des agents seront là pour expliquer les raisons de la fermeture hein, aux touristes. Il va falloir en fait monter dans les étages certaines œuvres qui pourraient être menacées par les eaux. On est là dans le préventif. Même chose en face au musée d'Orsay, des bords de Seine, où il devient aussi compliqué de travailler. On a croisé ce matin le gérant d'un parking dépité. Ces deux niveaux de sous-sol sont totalement sous les eaux. Un agent de sécurité d'un chantiers sur les quais veillent désormais plus au niveau de l'eau que sur d'éventuels voleurs qui devraient de toute façon venir en barque. Compliqué de circuler aussi, voie sur berge évidemment totalement fermée et sous les eaux, tout comme le RERC le long de la Seine. On a pu voir tout à l'heure les voies partiellement inondées près de la gare d'Austerlitz, et puis des agents équipés comme des alpinistes qui tentent de boucher les voies d'aération pour limiter les infiltrations sur ces voies du RERC. Activité perturbée, puis quelques images marquantes ou cocasses aussi. Une tente qu'on a vue flotter tout à l'heure sur les eaux, agitée et marron. Il n'y avait personne à l'intérieur, nous a indiqué la préfecture de police. Des canards qui tournaient autour d'une voiture garée trop bas en face de la Concorde. Et puis les agents de la brigade fluviale transformés contre leur gré en funambules pour regagner leur bureau. Ils ont dû installer de longues planches étroites en bois sur des parpaings pour rejoindre leur bureau qui sont dans des barges au bord sur les eaux et habituellement au bord du quai. Paris, les pieds dans l'eau, image très rare. Merci Jérôme Jadot, en direct pour France Info. Et si on étend le regard autour de la petite couronne à l'ensemble de la région parisienne, là aussi c'est compliqué. Ce matin, la crue se propage à Melun, à Corbeil-Essonne ou encore à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Où vous vous trouvez ce matin, Benjamin Ely? Oui, et l'eau continue d'avancer, d'avaler les mètres de bitume sur la départementale 138 à l'entrée de Villeneuve-Saint-Georges. La Seine n'est pas très loin et le quartier triage construit juste à côté. Au petit matin, une famille rome trempée jusqu'aux os émerge de la zone inondée en poussant un chariot avec quelques couvertures, quelques affaires, ce qui a pu être sauvé. Romani. Douleur beaucoup, tu n'as pas de dormi. Vous n'avez pas dormi à cause de l'eau ? Oui, c'est le problème, on a dormi. C'est beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau et la zone industrielle toute proche n'est pas épargnée. Des camions militaires sont arrivés pour faciliter l'évacuation sous le nez de ces salariés d'une société de transport sinistrée. Il y a l'armée, on voit bien les camions de l'armée. Je croirais à la guerre, mais c'est l'armée. La guerre avec nous. Là, vous êtes pieds nus, les chaussures à la main. Les chaussures à la main. Vous avez eu de l'eau jusqu'au... Jusqu'aux cacahuètes. Ah, jusqu'aux cacahuètes, d'accord. À vrai dire, l'eau, elle est montée subitement la nuit. On est rentré à 21h, il y avait la flotte, mais jusqu'au... Il y avait quoi? Il y avait 10 cm de flotte, donc on a pu rentrer et accéder avec nos véhicules. Et là, maintenant, subitement, la nuit, malheureusement, on ne peut pas sortir un bon petit mètre. Et du coup, pour rejoindre le coin un peu plus sec, vous avez fait comment? À pied? Oui, j'ai nagé. 60 résidents. On peut pas résister à l'eau. 60 résidents ont été évacués hier soir du quartier Triage à Villeneuve-Saint-Georges, mais au total dans cette zone, 2000 personnes pourraient être touchées par la montée des eaux. Benjamin Ely en direct pour France Info avec les moyens techniques de Jean-Pierre Pernel. Les 19 000 foyers restent privés de courant ce matin en Île-de-France et dans le Loiret. 13 départements sont toujours en vigilance crue ce matin. La Seine-et-Marne en rouge. La Seine-et-Marne où on ira dans 10 minutes maintenant sur France Info. Là-bas, l'eau commence lentement à descendre et vous verrez que la solidarité bat son plein entre voisins. Rennes, le point chaud de la contestation contre la loi travail, on a encore pu le vérifier hier avec des affrontements en marge de la manifestation bretonne. 5 manifestants hospitalisés en urgence et des journalistes qui ont reçu des coups de matraque de la part des policiers alors qu'ils couvraient l'événement. Ce matin, l'association locale des journalistes saisit le défenseur des droits. 8h05 sur France Info et la suite aujourd'hui du congrès du Parti communiste à Aubervilliers. Et après le leader du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, invité hier au congrès, les communistes reçoivent dans la journée le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Philippe Martinez qui sera un peu comme chez lui, Julien Langlais. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, Philippe Martinez aura sans doute droit tout à l'heure à une ovation. Il est très bienvenu. Fabien Roussel est le secrétaire fédéral du PCF dans le Nord. C'est important de soutenir la CGT dans son combat et d'obtenir que le gouvernement dialogue, ouvre le dialogue, parce qu'on n'en peut plus quoi en France là. Le combat contre la loi travail a permis aux communistes de renouer sur le terrain des liens qui s'étaient distendus avec les syndicats et avec la CGT en particulier, partenaire privilégié du PC pendant des dizaines d'années. Je les soutiens à 100%. Hugo Poitvin est délégué fédéral communiste dans la Manche. Que ce soit à Rennes ou à Cherbourg, là où je milite, ils sont également le fer de lance de la mobilisation, ils sont de tous les combats, et ça dans l'intérêt des salariés, des travailleurs de ce pays. Et moi j'admire ce qu'ils font. Et c'est aussi le cas du secrétaire national, Pierre Laurent. Je crois se saisir de ce moment de salut aux organisations syndicales pour dire que nous avons besoin d'un grand syndicalisme en France, nous avons besoin de syndicats, nous avons besoin de syndicalistes qui dans les entreprises peuvent défendre les travailleurs et que nous refusons les attaques qui ont été portées contre eux ces dernières semaines. Pour leur dire aussi que son parti sera jusqu'au bout le relais politique de la contestation, comme au bon vieux temps. De l'avis de tous élus et militants, la CGT a retrouvé en Philippe Martinez un vrai patron. Julien Langlais. La grève reconduite aujourd'hui à la SNCF et pour les prévisions de trafic, eh bien, ça donne la moitié des TER, 6 TGV sur 10 en circulation et puis près d'un tiers des Transiliens et des Intercités. Il y avait des témoignages il y a maintenant, ces plaintes déposées par trois femmes contre Denis Baupin. Oui, après les témoignages dans la presse, l'affaire Baupin se déplace donc à présent sur le terrain de la justice. Isabelle Attard, Sandrine Rousseau, Hélène Debost accusent le député écologiste d'agression et d'harcèlement sexuel, Cyril Gradiani. Elle veut que la justice aille jusqu'au bout. C'est Isabelle Attard qui s'est rendue la première à la BRDP, la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, pour porter plainte. La députée écolo a raconté avoir reçu des SMS insistants de la part de Denis Baupin. Certains de ces messages sont non prescrits. Sandrine Rousseau et Hélène Debost ont-elles déposé des plaintes qui se rajoutent aux éléments recueillis par les policiers depuis le début de l'enquête préliminaire ouverte le 10 mai au lendemain de nos révélations, notamment les témoignages de 7 des 13 femmes qui ont parlé à France Inter et Mediapart. Mardi, les policiers de la brigade se sont même rendus dans les Pays de la Loire pour auditionner d'autres témoins. Plusieurs responsables écologistes également ont été convoqués, notamment l'ancienne patronne du parti, Cécile Duflot, jeudi dernier. Son collègue de l'Assemblée, François de Rugy, le sera la semaine prochaine. Une source proche du dossier confie que Denis Baupin a demandé à être entendu, mais les enquêteurs ont refusé. Le député de Paris, qui nie les faits, le sera en toute fin d'enquête. Enquête que le parquet espère conclure avant l'été. Explication signée Cyril Graziani. Ils vont quitter l'Autriche ce matin, direction Metz, pour les footballeurs de l'équipe de France. Ah oui, les Bleus terminent demain leur préparation avant l'Euro de football. Dernier match face à l'Écosse. Et après des forfaits en cascade, eh bien, on se demande bien quelle équipe va pouvoir aligner le sélectionneur Didier Deschamps, Xavier Monferrand. Le Tyrol devait apporter sérénité et réponse à Didier Deschamps. Finalement, il n'y a bien que chez les gardiens que le sélectionneur tricolore a des certitudes. Ailleurs, c'est une autre histoire, à commencer par la défense centrale. Rami ou Mangala, le flou persiste. Je peux faire la même, je peux changer. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Voilà. Après, j'ai fait des choix sur ce premier match, je serais amené à en faire sur le deuxième aussi. Ça se passe bien, tant mieux. Quand ça se passe un peu moins bien, peut avoir plus d'interrogations. Un casse-tête aussi au milieu de terrain. Après le forfait de Lassana Diarra, Didier Deschamps devra élire une nouvelle sentinelle, Kanté ou Cabaye. Quant au secteur offensif où la concurrence fait rage, cette fois, le Benjamin Kingsley-Coman n'a pas peur de faire bouger les lignes. Si, il y a quelque chose qui fait peur, les araignées ou les petites bestioles. Mais pas le football. Le football, c'est un plaisir. Moi, je sens pas qu'il y a spécialement une hiérarchie. Je suis là pour jouer le temps que je jouerai. Si c'est quelques minutes, ça me va et je vais tout faire pour aider l'équipe. Si c'est plus, tant mieux. Coman, Martial ou Payet, trois talents pour un poste. Un problème de riche pour Didier Deschamps. Le seul, mais un souci de plus. Nostif Timstobaital, Clémence Bonfils, Xavier Monferrand, France Info. Enfin, si la pluie n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, toutes les demi-finales doivent se jouer aujourd'hui sur les courts de Roland-Garros. C'était le journal d'Aurélien Tirard. L'info revient à 11h.